Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4 et c'est Bulle de Rêve, l'émission consacrée au cinéma d'animation. Oui, voilà, c'était la machine à remonter le temps. On se retrouve 2 ans avant. C'est bien la superbe voix d'Olivier Catrin qui vous a présenté comme au bon vieux temps Bulle de Rêve. Quel plaisir, Olivier. C'était mieux à l'époque, hein. Ok, on arrête maintenant. Olivier, juste, tu peux sortir. Donc, j'invite Olivier Catrin, ce qui est une erreur, je me rends compte maintenant, mais ça me fait plaisir de l'avoir de son dans ce studio. On va parler de plein de choses aujourd'hui avec Olivier et les invités qui se trouvent autour de nous. On va parler de la fête du cinéma d'animation qui commence très très prochainement, 18 octobre, c'est ça? Oui, mercredi. Mercredi, on va parler de ça et on va parler en deuxième partie de l'AFCA, donc l'Association Française du Cinéma d'Animation, dont tu es l'un des dignes représentants, directeur, responsable, je ne sais pas, vous avez tous des termes, des noms impossibles dans les associations, dans cette association-là en tout cas. Donc on va parler un petit peu. Ça patauge un peu là. On va parler un petit peu de ça. Pas du tout, pas du tout. Ok, il commence. On a la chance de recevoir 3 grands réalisateurs en plus avec nous. Florence Miaille, bonjour. Bonjour. Qui est l'invitée d'honneur du festival. Olivier va nous expliquer pourquoi, même si on le sait pour les gens qui connaissent bien l'animation. Jérôme Boulbès, bonjour Jérôme. Bonjour. Alors pareil, réalisateur, tous les deux vous êtes aussi membres du conseil d'administration de l'AFCA. Mmh. Et en dernier, vous savez, le petit joker que j'ai toujours, Franck Dion. Bonjour Franck. Bonjour Alexis. Voilà, donc après ça, on va écouter, ça va être, comme je vous l'ai dit avant le générique, une émission avec plein de choses et on va commencer de manière très très... Des fois on se retourne vers... quand on était plus jeune, et on retrouve des morceaux, quand on déménage, ce qui a été mon cas pendant 1 an, et on retrouve des morceaux, donc attention, ça va faire beaucoup de bruit. On écoute de suite la musique. On revient après. Eh oui, c'est comme au bon vieux temps, j'aime bien, c'était comme il y a 6 mois. Un petit, quelque chose qui ne va pas, vous savez, mes problèmes avec tout ce qui est informatique, etc. Mais vous allez voir, ça va repartir très bien. C'est juste parce que c'est Olivier qui me met la pression, il a réussi son coup. Donc voilà, j'ai fait un petit peu n'importe quoi et je vous promets qu'on va mettre de la musique et qu'après ça va aller mieux. Je regarde Nicolas, hein, ça marche, tout marche là. Donc voilà, vous allez voir. We'll be right back. c'était Anthrax. Ouais, Anthrax qui reprenait Antisocial de Trust. Une très très vieille reprise. Donc c'est toujours Bulle de Rêve, heureusement. Olivier. Oui, Alexis. D'où est venu le... On avait déjà fait une émission l'année dernière, mais tu ne pouvais pas être là. Donc je t'avais interviewé, on avait fait. D'où vient l'idée de la fête de l'animation? Ce sera juste la cinquième fois que j'ai expliqué sur cette antenne. Pourquoi c'est la cinquième édition? Et voilà, c'est la cinquième édition. Ok, donc tous les nouveaux éditeurs qui écoutaient, vous voyez comment Olivier vous traite. Mais non, je vais tout vous dire. Alors, la fête du cinéma d'animation, ça vient de la Journée mondiale du cinéma d'animation. C'est la version française de la Journée mondiale. Et cette Journée mondiale est la célébration de la première projection d'un dessin animé. Pourquoi je dis d'un dessin animé et non pas d'un film d'animation? Parce que c'était avant le cinéma. Le 28 octobre 1892, un monsieur qui s'appelait Émile Reynaud, qui était un inventeur génial, a inventé un appareil qui s'appelait le théâtre optique pour projeter des bandes dessinées, en fait, on va dire, sur un écran. Ça se passait au musée Grévin, à Paris, dans le petit théâtre qui existe toujours d'ailleurs. Et voilà, c'est cette journée qu'on fête. C'était 3 ans avant l'invention du cinéma. Et on le fête aujourd'hui dans 48 pays dans le monde. Et pourquoi on a besoin d'une fête de l'animation? Il n'y a pas de fête du cinéma de prise de vue réelle? C'est vrai. Il y a une fête du cinéma. Une fête du cinéma, tous les cinémas. Pas forcément que de la prise de vue réelle. En quoi c'est une nécessité aujourd'hui d'avoir, pour l'animation, d'avoir une fête, d'avoir un moment donné où on célèbre vraiment ce cinéma en particulier? Alors, je ne sais pas si c'est une nécessité, mais en tout cas, c'est bien parce que ça permet de mettre un peu l'éclairage sur le cinéma d'animation qui en a besoin, et puis surtout sur la partie immergée de l'iceberg dans le cinéma d'animation. C'est vrai qu'on voit, il y a les longs métrages qui sortent en salle et tout ça, que les gens connaissent assez bien, mais il y a beaucoup d'autres choses dans le cinéma d'animation. On a ici 3 réalisateurs qui ont réalisé des courts-métrages, et c'est vrai que c'est une façon de les mettre en avant, c'est aussi une façon de montrer comment on fabrique les films, comment ça se passe quoi à l'intérieur, de rencontrer les artistes, etc. Voilà, c'est un éclairage à la fois pour que le public découvre un petit peu plus profondément ce que c'est que le cinéma d'animation, et puis aussi un éclairage pour les médias, en fait. Autour de la table, Florence, est-ce que tu considères que c'est important, cette fête du cinéma d'animation? Oui, exactement comme l'a dit Olivier, je pense que ça permet de temps en temps de mettre un éclairage sur un cinéma qu'on connaît mal, qui est le cinéma d'auteur dans les films d'animation, souvent sur des courts-métrages en particulier, et dans lesquels il y a des petits bijoux de films, quoi. Jérôme, c'est pas surprenant, un cinéma qui est né 3 ans après le cinéma traditionnel qu'on connaît le plus ait besoin absolument de se créer une identité à travers une fête, par exemple. J'étais assez sceptique la première fois, je dois dire. J'avais un peu la réaction de toi qui était de dire bon, c'est un cinéma d'animation, c'est du cinéma, il doit pas être isolé. Et puis en fait, avec le temps, je me suis rendu compte d'une part que les gens qui font dans les institutions ou les cinémas de prise de vue réelle a tendance quand même à nous ignorer un petit peu, et c'est bien de se mettre en valeur. Et je crois que aussi ma position a pas mal changé après avoir vu le travail de plusieurs petites salles qui profitent de l'occasion pour montrer des films de qualité, et ensuite pouvoir éventuellement commencer à fidéliser un public sur ce thème-là, sur des courts-métrages d'animation. Et c'est très positif à ce niveau-là. J'ai oublié de dire que j'allais me faire l'avocat du diable pendant cette émission. Toutes les questions, je ne suis pas forcément... je pense que c'est important aussi qu'il y ait une fête. Et c'est important que les auditeurs comprennent, enfin que les gens qui nous écoutent comprennent vraiment à quel point, justement, cette fête est importante. Franck, avant que Olivier... moi je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Oui, je pense qu'effectivement, c'est un... le court-métrage d'auteur, c'est important de le préciser, parce que d'animation... est tellement difficile à mettre en place, même en amont, en termes de production. Je ne parle même pas de la rentabilité, c'est-à-dire du fait d'en vivre, qui est assez compliqué, voire impossible. Oui, tout ce qui est fait dans le sens de la vulgarisation du court-métrage d'animation est une bonne chose. Ça, c'est absolument... Oui. Olivier, tu voulais rajouter? Oui, je voulais ajouter quelque chose. En fait, la fête du cinéma d'animation, c'est aussi l'occasion... d'introduire le cinéma d'animation dans des lieux où il n'a pas sa place habituellement. On a des séances à Beaubourg, au musée d'art contemporain du Val-de-Marne, Beaux-Arts, enfin, vous voyez, des lieux qui ne sont pas forcément en général des lieux où on monte des films d'animation, la Cinémathèque française et tout ça, quoi. Et on va en parler tout à l'heure, puisque Franck aussi est là pour ça. L'animation a encore plus besoin qu'on mette vraiment un coup de projecteur sur lui, quand on voit quelque chose au Grand Palais, qu'on a choisi Disney pour représenter l'animation au Grand Palais. On va juste parler rapidement de ça, toi en tant que... Le Grand Palais, c'est un bon exemple. Hein. Ce qui est intéressant, c'est... Bon, alors, ce n'est pas une exposition sur Disney, c'est sur les sources artistiques de Disney, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais surtout, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'ils aient saisi l'occasion de cette exposition sur Disney, disons, pour mettre l'éclairage sur d'autres formes d'animation. Donc, on va pouvoir découvrir aussi des classiques de l'animation tchèque, par exemple. On va pouvoir voir Le Roi et l'Oiseau, puis on va pouvoir voir des courts-métrages et rencontrer des auteurs de courts-métrages, ce qui est quand même formidable, je trouve. Alors, avant de parler à la fête en soi, hein, de tout ce qu'on va voir, on va écouter un petit extrait et on va voir si nos invités autour de la table reconnaissent. On écoute. Mr. Samson, répondre sur le thé. Donc, toujours Bulle de rêve, hein, après cet extrait, et le grand vainqueur est Olivier, évidemment. Ah oui. On a entendu quoi, donc ? La métamorphose de Monsieur Samsa, de Caroline Leaf. Donc un extrait. Et pourquoi ? Car le film va être divisé dans une, à mon avis, avec, on va dire, le Tour de France que va faire Florence. C'est vraiment l'un des gros événements, je trouve, de cette fête de l'animation. C'est tout ce qui se passe à Beaubourg. Ouais. Tu nous en parles les maîtres de la poudre à Beaubourg, donc organisés par la BPI. C'est 4 soirées consacrées à l'animation de poudre, de sable, hein, dans lequel il y a un film de Florence, d'ailleurs, Les oiseaux blancs, les oiseaux noirs. Donc avec magnifique programmation de films sur cette technique qui est très particulière et qui est assez fascinante, il faut dire. Et puis la présence de 2 très grands réalisateurs internationaux qui sont Nag Ansorge, qui est un vieux monsieur suisse absolument adorable et qui a fait, je ne sais pas, au moins une bonne douzaine ou une quinzaine de films dans cette technique. Et puis Alexandra Korejewo, qui est une réalisatrice polonaise qui a fait des films magnifiques de poudre avec plein de couleurs partout et des formes extraordinaires. Là, c'est vraiment quelque chose à ne pas rater parce que ces films sont rares et il y a vraiment des choses extraordinaires là-dessus. Alors c'est étonnant, mais c'est 4 soirées. Il y a le mercredi 25, donc avec cet hommage à Gisèle et Nag Ansorge, pris dans les sables mouvants, qui était il y avait déjà une rétrospective à Annecy il y a quelques années. Mmh. C'est assez dur à voir et assez rare. C'est vraiment... Il y a des vraies raretés. Pas louper, voilà. Mmh. Jeudi 26, 20h30, un cinéma d'arénophile avec Caroline Leaf, Les oiseaux blancs, Les oiseaux noirs, La nuit est tombée, un film absolument magnifique aussi, La nuit est tombée. Enfin, c'est vraiment des programmes qui sont énormes tout au long. Et ce qui est bien, c'est que le dernier jour, le samedi, il va même y avoir des films des écoles, notamment avec Achio, de Mathilde Philippon Aguinski, qui était vraiment très beau, le film de l'ENSAD. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il va être projeté dans 2 lieux en même temps, le même soir. Donc, il est projeté le samedi 28 à 20h30, donc c'est à la BPI, et il est projeté dans la soirée consacrée à Florence, à l'Élysée Biarritz. Mais c'est pas grave. Ça va être dur, ça va être le choix cornélien, quelle soirée aller. Enfin, c'est vrai que c'est deux très belles soirées. Et il y a même un film que moi je connais pas, que Marie Pacou a fait au Royal College of Art, qui était Moi l'autre, oui. Qui est un film de quelle année? Ça, je ne suis pas capable de répondre, mais c'est la fin des années 90. C'est la fin des années 90, je pense. 99 ou 2000, quelque chose comme ça. Ah non, plus tard que ça. Bah, un jour, c'est 98, donc... Ah bon ? Oui, bah, ça doit être ça. Alors, 2000, ça a suivi... Ça a suivi, c'est ça, parce qu'elle fait, en fait, elle fait l'ENSAD, et ensuite, elle part au Royal College of Art. Et même un spectacle de dessin en direct, réalisé par un jeune réalisateur qui s'appelle David Myriam, qui nous vient de Rhône-Alpes. Oui, tout à fait, qui avait fait deux films, notamment, en effet, qui passent, dont, évidemment, je vous lis le nom, là, d'un seul coup, mais qui sont Do You Mind et Intro à la place du cœur, qui sont assez étonnants, en effet. Donc ça, c'est à la BPI, c'est assez incroyable. À Paris, qu'est-ce qu'il y a d'autre, avant de passer à l'invité d'honneur, évidemment, qu'est-ce qu'il y a d'autre à Paris, absolument, on va faire le Tour de France, puis on fera un peu plus que font Jérôme et Franck un peu après. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre, à part évidemment moi, mon coup de cœur qui va être comme d'habitude, mais c'est un petit peu trop facile. J'ai dit 19 à 18h, 19h45, les projections à l'ENSAD. des films d'étudiants, mais bon, toujours facile parce que j'adore tellement ce qu'ils font à l'ENSAD, avec notamment deux de mes coups de cœur de l'année dernière qui sont Sinistra d'Extra de Marion Arbonnet et Walking d'Alexandre Bale, qui sont deux très beaux films. Quoi d'autre, Olivier? Voilà. Et ben pour ceux qui s'intéressent par exemple à l'animation de pâte à modeler, ils vont pouvoir découvrir toutes les recettes, toutes les secrets de fabrication de ces films. Alors le samedi 28 à la librairie Armanin, c'est les gens de Double Maître Animation, ceux qui font les devinettes de Renette qui passent sur Canal+ actuellement, qui vont recevoir le public, qui vont montrer des films, qui vont expliquer tout ça. Ça devrait être très sympathique parce qu'ils ont déjà fait des journées portes ouvertes l'année dernière et c'était très bien. Et puis une séance qui s'appelle Profession pâte à modeleuse, ça se passe sur un bateau, sur une péniche, la péniche Antipode Abricadabra, quai de la Loire. Et c'est un tout jeune producteur qui monte un court-métrage en pâte à modeler avec une jeune réalisatrice, dont c'est le premier film aussi. Moi, j'en ai déjà vu, je ne sais pas, il doit y avoir 40 secondes, quelque chose comme ça. Et c'est très prometteur. Et ils vont recevoir le public, ils vont expliquer comment ils font le film, ils vont montrer les marionnettes et tout ça. Et ça, je crois que ce genre de choses est très, très intéressant. Comment ils s'appellent, ces gens-là? Alors, c'est Casas Productions. Casas Productions. Ouais, et la réalisatrice s'appelle Linda Kuro. D'accord. C'est la fille de Lionel Cour. Ah oui. Qui a fait beaucoup de choses en pâte à modeler. Oui, effectivement, ouais, c'est un connu. Voilà, alors allez-y sur une péniche en plus. Kuro ne s'écrit pas pareil, si. Il avait changé son nom, c'est ça? Voilà, exactement. D'accord, c'était un nom. Ce qui m'épate cette année, c'est de voir autant de mélange entre. On parlait d'auteurs. On a des choses d'auteurs, mais on a par exemple une exposition Code Lyoko, qui est une série télé, au Gobelin. On va avoir Manga Expo, qui est le fameux gros truc au palais des congrès de Paris, qui s'est mis dedans aussi. On va en parler aussi avec, peut-être un peu avec Franck tout à l'heure, il y a Chalet Film, qui aussi fait quelque chose dans sa boutique. C'est-à-dire qu'on a aussi bien un côté un peu plus commerçant et commercial, on va dire, dans un sens noble du terme, et un côté très auteur et très... C'est assez nouveau, non, il me semble. On a toujours essayé d'avoir ça, mélanger un peu tout, en fait, des gens qui ouvrent leurs portes comme ça, un peu bricolés comme ça, et puis des gros machins, un peu plus... alors parfois des choses très pointues, puis des choses plus grand public, c'est tout le charme de l'animation, en fait, hein, et puis pour tout le monde, quoi, pour les adultes, et pour les spécialistes, pour les enfants... C'est ça qui est bien. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on prend le sujet tout à l'heure, et c'est la difficulté, on sait bien, de faire un court-métrage, de faire des court-métrages, d'en vivre, et même de... Et il y a quelque chose de très intéressant à Annecy qui s'appelle le concours de projet, qui malheureusement a perdu un petit peu de sa force au cours des ans. Enfin, il le reprend là, cette année. Oui, je sais que Franck a eu deux prix là-bas, donc il me regarde l'air de dire non, comment ça pas, comment pas, ça, pas, ça il a... Non, ça non, a rien non, à voir, mais... Non, c'est qu'en fait, si je dis ça, c'est tout simplement que le concours d'intention de projet, quand il avait été lancé, au tout début d'Annecy, avait été lancé pour les gens qui n'avaient absolument aucun producteur, qui ne savaient absolument pas comment faire, et que maintenant, au cours des ans, et ça s'est trouvé comme ça, de plus en plus de gens qui ont déjà même une maison de production, c'est fini cette année. Cette année, c'était la première année où il n'y avait pas, mais il y a deux ans, les gens qui avaient aussi une maison de production et qui avaient déjà un dossier assez bien fait pouvaient quand même se présenter. Oui, non, mais ça, c'était pas normal. Alors que la base même de ce concours était justement, c'est difficile. Dans l'anime, on fait quelque chose, donc c'était intéressant. Mais ça reprend, et puis ça a permis, en effet, d'avoir énormément de très belles choses, et Jérôme, c'est quelque chose aussi, puisque depuis ton premier cours avait été 98. Ah, avait eu un... 2Z là-bas. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et donc on verra, bah, notamment le puits, à la SACD. Ouais, Maison des Auteurs. Maison des Auteurs, c'est le... Le 26. Jeudi 26 à 20h et on verra les brigands d'Abby Feijoux. C'est toujours étonnant de revoir les noms maintenant. Mm-hmm. Et voir Parole en l'air de Sylvain Vincendo, La règle de chaos, Scar Queen, Le puits donc, de Jérôme Besse, Histoire tragique avec fin heureuse. Histoire tragique avec fin heureuse avait... Bon. donc, à Paris, c'est tout... Beau choix, hein. Oui, oui, non, très beau choix, très, très beau... on ne peut pas tout faire. Parce non, a on ne peut pas parler de tout, choses. Mais... Il y a énormément de choses qui se passent à Paris. Et alors, on va voir dans le reste de la, dans le reste de la France. Comment on choisit... Ah, quand même si, médiathèque de la Cité des Sciences et de l'Industrie pour finir à Paris quand même, parce qu'ils font toujours d'assez jolies choses. Jérôme, tu avais fait, je crois, une présentation à un moment donné à la médiathèque. Tu peux C'était pas la médiathèque, c'était l'auditorium. Pas l'auditorium, mais c'est la Cité des Sciences. C'était en mars dernier, c'était une expérience assez intéressante où j'avais montré trois de mes films à une centaine de gamins entre 6 et 10 ans. Et j'avais fait une démonstration d'image de synthèse. J'avais mon petit ordinateur avec une rétroprojection. Et ça avait été vraiment, vraiment un moment assez exceptionnel parce que j'avais réalisé. C'était la première fois que je montrais mes films à un public d'enfants. C'est-à-dire, non pas des enfants isolés, le regardant avec leurs parents, mais là, vraiment que des enfants, puis les accompagnateurs de groupe. Et ça, j'étais très heureux de la façon dont ça s'était passé. Il y avait vraiment une très, très bonne réponse. Et je crois que c'était une des premières projections publiques d'Éclosion, ou la première, non ? C'était la première, je crois, oui. Ils ont réagi comment, Éclosion ? On va en parler après, mais ils ont réagi... Ah oui, ils ont bien aimé, complètement. Hein ? Ils m'ont demandé ce qui se passait. enfin voilà, non, y a pas de... c'est pas exactement notre sujet là, mais globalement, ils avaient... Non, mais c'est intéressant parce qu'ils réagissaient avec des questions très, très terre-à-terre souvent, mais assez pertinentes. Enfin, ça... Voilà, ça... Parce qu'on a, souvent un problème quand on parle... je parlais des petits groupes hein, qui étaient... Donc, les frères Fleischer, 1900-1920, beaucoup de gens disent que les enfants ne peuvent pas apprécier ou ce genre de choses. Et en fait, on se rend compte, je ne sais pas, Florence, si toi, les enfants, tu as souvent montré. Oui, mais les enfants, quand, films, oui, mais... quand ils ne sont pas spécialement pour les enfants, mais c'est vrai qu'en même temps, quand tu mets des enfants devant, ils restent scotchés. Ils restent scotchés devant. Et puis, il y a même des amis qui me disent qu'elles ont mis les films à des enfants puis qu'ils connaissent par cœur le texte et récupèrent le texte par cœur quoi. Des films, enfin, il n'y en a pas beaucoup de textes mais quand même ils le connaissent quand même, oui, c'est-à-dire qu'ils l'ont vu souvent et oui, puis je crois qu'il y a une magie dans l'animation, donc ça capte quoi. C'est ça, ne pas oublier, même si on se bat pour dire que c'est aussi pour les adultes, il faut que tout le monde les voit, que c'est aussi que les enfants aiment ça. Comment on fait? C'est difficile quand même dans le monde de la maison. Comment on fait pour choisir un invité d'honneur ? Là, une invité d'honneur. Eh ben, c'est pas facile, effectivement. On essaye de trouver quelqu'un qui parle français, déjà. C'est plus facile. On essaye de trouver quelqu'un qui a déjà fait suffisamment de films pour pouvoir en faire un programme. Et puis, un auteur qu'on aime, qui représente bien quelque chose dans l'animation. Alors, en général... Si c'est des gens qui ont fait que des courts-métrages, ils ne sont pas forcément très très connus du grand public, mais ils sont souvent très connus dans le monde de l'animation. Donc l'année dernière, Paul Drissen... Alors justement, pour se rappeler, est-ce que tu peux nous rappeler les invités d'honneur de... Il y en a que deux, puisqu'on c'est a lancé ça l'année dernière avec Paul Drissen. Et puis cette année, on s'est dit, pourquoi pas Florence, elle va avoir terminé son nouveau film. Ça va faire juste de quoi faire un programme. Et voilà, quoi. C'est vrai qu'en matière de courts-métrages en France... je ne sais pas, quand même, Florence, c'est une référence, quoi. Elle a une œuvre magnifique qu'on a vraiment envie de faire découvrir. Ouais, donc c'est venu... Ça s'est imposé un peu comme ça, comme une évidence. Ouais. Alors là, mon enchaînement ne peut pas se faire parce que Nicolas est au téléphone. Je vous dis tous des petits secrets de l'émission. Normalement, on doit avoir un enchaînement. Si, Nicolas, t'es là ? Oui, non, il est à la fois. On peut lancer le petit extrait juste derrière. Thank you. demander à Florence qu'on vient d'entendre, Olivier. On en a parlé, c'est pas difficile. Alors, je sais pas, c'est Contes de quartier, donc c'est le dernier film de Florence. Donc c'est un extrait de Contes de quartier, c'est quasiment la fin du film. On va pas raconter, puisque pour une fois qu'on a des invités, que les gens vont avoir la chance d'aller se précipiter dans plein de salles en France pour aller le voir. Normalement, c'est toujours... C'est un peu notre problématique ici. C'est... Alors, j'aime beaucoup ce que vous faites. Où est-ce qu'on peut le voir? Sur Internet, dans un petit coin, ou alors... Bon, et là, non, c'est génial, on va pouvoir le voir. En grand écran. Donc, en grand écran. Alors, où ça? Parce que j'ai bien pris... Ah ouais, je peux te dire, si c'est un tour de France, mercredi 16. Alors, commence à la maison d'arrêt. C'est oui, ça, en prison. De Bretagne, en prison. Mm-hmm. Elle commence en prison, ouais. Tu l'as déjà fait ou c'est une première J'avais déjà été dans une... Il y a une prison à Fresnes. À Fresnes. Voilà, j'avais déjà été à Fresnes dans une prison de femmes. Et alors j'avais montré Hammam chez Razad et Histoire d'un prince devenu borgne et mendiant. Donc, dans deux films, chez Razad et Histoire d'un prince, qui sont quand même assez violents... Non, c'était vachement intéressant. Ouais, les réactions sont intéressantes. Oui, parce que non, ça leur a beaucoup plu aux femmes qui étaient là. Elles n'ont pas beaucoup le choix quand il y a une soirée culturelle, elles y vont quoi. Elles n'ont pas plusieurs choix, mais non, ça leur avait bien plu. Elles avaient trouvé ça bien. Elles trouvaient qu'il y avait plein d'événements, plein de meurtres et tout ça. Elles étaient contentes. On passe complètement différemment. Et à chaque fois, il y aura la démonstration de technique. Pas à chaque fois. Démonstration de technique, c'est à Rennes, à Nîmes, et deux fois à Rennes, je crois. Oui. Deux fois à Rennes, une fois à Nîmes. À Brest aussi. Ou alors à Rennes, à Brest et à Nîmes. J'ai confondu Rennes et Brest, bravo. Ouais. En Bretagne. Ouais. Ah d'accord. Un peu facile, oui. Et donc, il va y avoir, je vais le dire quand même, pour les gens qui nous écoutent. Donc Brest, c'est le jeudi 19, c'est à 20h30, vendredi 20. À Rennes, donc c'est à 14h et à 20h30 à Châtillon en Vendelais. Ça fait courir. Hein. Le 21, c'est à Choisy-le-Roi. Le 22, à Poitiers. On serait dans un... Je raconte des concerts. Enfin, c'est tellement. Donc Poitiers, 25 à Toulouse. Le 26 à Nîmes. Le 27 à Saint-Ouen-l'Aumône. J'étais il n'y a pas longtemps. Très, très beau cinéma. Le 28 à Biarritz. Non, à Paris. À l'Élysée Biarritz. Mais je trouvais ça tellement joli, je trouvais ça tellement poétique qu'on a sur le coup de descendre à Paris. J'étais en train de me dire non, il m'avait pas prévenu que je devais aller à Biarritz. Oui, c'était là d'un seul coup, c'était l'Élysée Biarritz à Paris, c'est pas mal quand même. Et, le 29 à Trappes, le 30 de nouveau à Paris. Au Beaux-Arts, c'est ça. Et ensuite, on finit au Luxy, un très beau cinéma à Ivry, sur Seine. Ça, sincèrement, ça représente quoi d'être invité d'honneur? Rien de spécial ou c'est juste le plaisir de se balader à droite, à gauche? Non, le plaisir de se balader, c'est plutôt... De montrer ses films, bien sûr. Oui, le plaisir de montrer ses films, oui. Moi, je trouve ça bien, oui, de pouvoir avoir cette occasion-là de montrer... tous les films en même temps, surtout. Et puis, c'est vrai que souvent, les gens sont là à dire « Mais où on peut voir tes films? Où on peut voir tes films ?» Et puis, c'est très difficile. C'est une fois à un endroit, une fois à un autre. Mes films sont vraiment beaucoup, beaucoup mieux en grand qu'en vidéo, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'image, parce qu'il y a une matière qui est très présente aussi. Donc... En général, j'aime pas que les gens. Enfin, c'est vrai que j'aime pas que les gens les voient sur la télé. Et puis là, enfin, j'ai l'occasion de pouvoir leur dire, oui, vous allez pouvoir les voir en grand, tous ensemble et tout. Ça, c'est formidable, en fait. C'est agréable de rencontrer un public qui, des fois, n'a pas l'habitude de voir des films d'animation, parce que je pense que là, on rencontre des gens qui ne connaissent pas forcément. Est-ce qu'ils sont curieux juste de la technique ou de l'histoire? Quel est leur intérêt principal? En général, ils sont, en ce qui concerne mes films, ils sont toujours très étonnés parce que c'est une façon de travailler l'animation qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de voir et que le grand public a pratiquement pas, connaît très très mal. Et du coup, la première chose, je crois, c'est ça, c'est étonné qu'on puisse faire des choses comme ça en animation, en cinéma, quoi, parce que ils comprennent pas trop comment ça se fait, mais de voir comme ça des peintures, pour eux, c'est ça, quoi, des peintures qui se mettent à bouger, et puis une matière comme ça qui est vivante sur l'écran, ça, c'est, je crois que ça étonne beaucoup. Et puis après, en général, les questions sur l'histoire, elles viennent dans un second temps. Enfin, c'est d'abord l'émerveillement devant la, enfin, bon, l'émerveillement devant la technique, quoi. Ouais, parce que vraiment. Enfin, devant la technique, devant la peinture, devant les formes qui naissent, qui surgissent, les personnages, tout ça, quoi. C'est... Ah, est-ce que j'en ai pas parlé, Olivier, mais là, donc la technique de Florence, c'est avant tout la peinture animée. Toi qui es une encyclopédie du cinéma d'animation, c'est... il n'y en a pas beaucoup quand même. Des personnes qui ont réussi vraiment à atteindre un niveau, vraiment un très bon niveau et faire plusieurs films comme ça en peinture animée. Oui, il y en a toujours eu dans l'histoire de l'animation. Sauf qu'au Florence, effectivement, c'est du pastel, donc c'est encore plus rare, on va dire. Hein. Mais c'est vrai que ce travail comme ça, sous la caméra, avec transformations successives, c'est assez rare et ça donne, c'est souvent effectivement des choses qui sont très, très plastiques, très proches de la peinture. C'est vrai qu'on dit parfois en animation, il y a les conteurs, il y a les peintres. Bon, bah, ce qui n'empêche pas d'ailleurs les peintres de raconter des histoires. On est bien d'accord. Je parlais de Scheherazade, c'est vraiment le conte. Est-ce que justement la force de Florence, c'est pas ça, c'est de réussir à être les deux. C'est-à-dire, ouais. C'est pour ça que je demandais par rapport à la technique ou l'histoire. C'est que c'est vrai que je revoyais qu'on a Cartier tout à l'heure sur un petit écran, mais que j'avais heureusement vu au cinéma. Et c'est ça, c'est vraiment le mélange entre une histoire souvent assez forte, ou en tout cas une ambiance très très forte dans laquelle on rentre. Toujours un petit peu le nom. Premier dimanche d'août, à chaque fois, je mélange un petit peu. Il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a cette ambiance de bal qui est très forte. Et, ouais, ce qui est même très singulier chez Florence, je dirais, c'est que. À la fois, il y a une dimension plastique qui est très forte dans les films, mais ces films sont presque des documentaires quelque part, même s'il y a toujours évidemment un récit, une histoire. Mais dans le regard, en tous les cas, il y a quelque part un regard de documentariste, ce qui laisse songeurs les gens, parce que c'est vrai que quelque chose qui est très proche de la peinture et qui en même temps proche du documentaire et qui en même temps raconte une histoire, ils ont un petit peu de mal à s'imaginer ce que ça peut être. Eh ben, allez voir, vous allez voir, c'est extraordinaire. Mais oui. C'est vrai que je balance toujours un petit peu entre raconter une histoire très, très présente, comme par exemple pour Scheherazade, où c'est vraiment le conte, quoi, ou Histoire d'un prince borgne. Et puis, je balance toujours, et puis. Être dans quelque chose qui est plus un portrait d'un lieu, comme on peut faire un portrait en peinture, mais là, en animation et en mouvement. Bon, c'est le cas pour Au premier dimanche d'août, qui est un peu le portrait d'un bal dans un village. Et puis, ou Hammam, qui est le portrait, enfin voilà, le portrait d'un lieu. Et puis, c'est vrai que dans le conte de Cartier, j'essaye de lier un petit peu les deux en faisant à la fois. C'est bon, des drôles de bruit. Non, c'est pas grave, il y a quelqu'un qui vient de. De rentrer, c'est pas très grave. On continue. Donc, qu'est-ce que je disais ? Donc, oui, conte de quartier qui est à la fois le portrait d'une ville, enfin, ou d'un quartier dans une ville, et puis en même temps qui voulait être soutenu par une histoire assez présente aussi. Oui, voilà. Portrait d'un lieu. Alors, juste parce que moi, je voudrais revenir juste au début. Comment on passe, quelque chose qui est fascinant, comment on passe de la gravure, parce qu'en fait, aux Arts Déco, spécialisé en. Moi aussi, ça m'a un petit peu troublé, tous ces bruits de fantômes. Comment on passe de la gravure à l'animation? Comment on passe de quelque chose d'inanimé, c'est un peu facile, mais à l'animé? Comment on a envie de voir ces gravures bouger? On a envie de voir ces personnages? Non, mais c'était vraiment ça, j'avais envie de voir les peintures. Enfin, quand je suis rentrée aux Arts Déco, j'ai toujours été fascinée par l'animation et par ce côté-là de se rendre compte qu'on pouvait faire bouger des peintures. Et quand on disait qu'on était, bon, c'est vrai, on n'est pas très très nombreux à faire ce genre de film, mais quand j'étais jeune, les gens qui m'ont inspirée, ça a été Caroline Neef, qui a aussi une technique d'animation directe sous la caméra. Il y avait quelqu'un comme Ryan Larkin aussi, dont j'avais vu quelques films qui avaient été faits comme ça, un peu au pastel animé. Il y avait Yuri Norstein, qui ne travaille pas comme ça, mais qui travaille aussi en animation directe sous la caméra avec des papiers découpés, entre autres. Donc moi, c'est... Et puis, ou Alexeïev avec son écran d'épingle, où il y avait le côté gravure et puis l'animation qui... Enfin, moi, j'étais très attirée, pas du tout par Walt Disney, effectivement, ou par une animation traditionnelle, mais par cette possibilité de voir de la peinture bouger. Et puis, en même temps, parallèlement, c'était aussi le mystère Picasso. Oui, voilà, je disais. Voilà, avec cette peinture qui naissait comme ça. Donc, c'était un peu toutes ces influences-là qui me donnaient envie de faire de l'animation, qui m'avaient donné envie de faire de l'animation. Mais j'ai mis du temps à en faire parce que j'en ai pas fait aux Arts Déco et j'ai mis un peu de temps à me dire, ah ben oui, il faut que j'essaye, il faut que je le fasse. Mais, et comment d'un seul coup on a envie de raconter une histoire et comment la, question que je pose un peu, mais la technique vient avant l'histoire ou est-ce que c'est l'histoire qui vient avant la technique? Je crois comment que c'est vraiment les deux. Et puis voilà, c'était ça, c'était à la fois dans le cadre d'un tableau, raconter une histoire dans le cadre d'un tableau, en plus c'est pas très à la mode, enfin les tableaux de genre où on raconte une histoire, c'est pas très à la mode en ce moment, mais par contre raconter une histoire en animation, il n'y a pas de problème, on peut le faire quoi, on peut... Voilà. Donc, mais j'ai toujours eu les deux choses en même temps. Je crois que je peux pas dire que l'histoire elle vient avant et puis le travail sur la peinture, sur la matière, il vient. Ça vient vraiment en même temps. C'est-à-dire qu'en même temps que je me dis j'ai envie de raconter telle histoire, je commence à voir les images et la façon dont je vais essayer de la raconter cette histoire en question. Sachant que je suis très sensible. Je pense que mon plaisir, c'est l'animation directe sous la caméra parce qu'on y va, on est directement dedans, dans la fabrication du film, quoi. C'est là où on fait le plus d'erreurs aussi, non? Pardon? Non, on n'a pas peur de faire des erreurs en direct sous la caméra, de se tromper, de je sais pas. Oui, enfin non, il faut pas avoir peur. C'est un peu, oui. C'est un peu comme quand on marche sur un fil. Oui, il faut c'est pas ça, avoir peur. C'est ça, un petit peu de sans filet. On se dit bon, on y va. Et puis quand on rate, on remonte quoi, et puis on recommence. Dans un autre style complètement différent, j'ai interviewé donc Harryhausen, grand monsieur des marionnettes, en fait qui fait donc comme on appelle maintenant la stop motion pour Metoo, qui a notamment fait Jason les Argonautes. Il me disait qu'il travaillait dans un bureau en sous-sol et qu'il empêchait absolument tout le monde de rentrer. En fait, personne n'avait le droit de rentrer dans son bureau au cas où, parce qu'il avait noté exactement où devait se passer, où était la dernière main, où, etc. Et c'était un petit peu l'angoisse à chaque fois qu'il y avait un courant d'air ou quelque chose. Enfin bon, parce qu'à l'époque, en plus, c'était pas vissé comme pour l'inventaire fantôme, par exemple. Les personnages n'étaient pas forcément... Non, mais le problème reste le même. Hein. De toute façon, sur un plateau de marionnettes, il est hors de question que... je veux dire, c'est pas les Galeries Lafayette, quoi. moi, j'interdisais strictement. Non, mais ça, les gens comprenaient pas bien. Mais moi, un jour, j'ai retrouvé un type au milieu du plateau. Il était là, regardez les décors, les marionnettes. C'est joli, il dit, écoutez, c'est bien, vous êtes enthousiaste, mais cassez-vous, quoi. Ici, ça travaille. Non, c'est vachement important d'avoir... Moi, je comprends tout à fait cette espèce d'histoire du fil tendu et puis le fait de revenir en arrière. Alors là, c'est quand même la galère, quoi. C'est un exercice qui n'est pas facile et qui demande énormément de protection. De concentration. De concentration, oui, bien sûr, j'imagine. Comment on fait pour garder... Parce que, donc, un âme, c'est 91, Sherazade, 95... Histoire d'un prince devenu borgne mondial en 1996, au premier dimanche d'août 2000, Les oiseaux blancs, les oiseaux morts 2002. Donc, ça, il y a ce film que j'ai pas vu, j'avoue. J'ai vu dans Bref, hein, c'est la petite biofilmo, c'est Les jumeaux Sioux, en animation Flash. Oui, c'est du Flash. Mais c'est toi qui l'as fait en Flash. Oui, c'est moi qui l'ai fait en Flash. Ça, c'est quoi, facile à voir, on peut le voir sur Internet, sur le site olot.org. Voilà, olot, donc ça, olot.org. Voilà. Org, ouais. Et là, on peut le voir. D'accord. C'était une expérience. Très simple. Non, c'était... J'ai des amis qui... Parce que je travaille sur le site des Frigos dans le 13e. Et donc, j'ai des amis qui ont fait un site où il y a des petits films d'animation, des photos. Enfin, ils mettent un peu... D'accord. Des choses comme ça, des petits films expérimentaux aussi. Et puis, ils m'ont demandé si je voulais essayer de faire un film en flash. Donc, j'ai essayé de faire un film en flash et voilà. C'est assez intéressant parce que c'est pas là, il n'y a pas de matière, au contraire. Alors autant je travaille la matière d'habitude et là c'était pas du tout le même type de travail. C'était bien à faire. Puis il n'y a pas de, enfin oui, c'est à l'économie. C'est quoi. Oui, c'est mais non, mais il est très, moi j'aime bien ce film. Bon, enfin, on va le regarder donc. HOLOT.org. Et en 2006, Comte de quartier, donc il y a quoi, on va dire 3-4 ans à chaque fois. On sait que c'est long pour faire un film. Comment on fait pour regarder l'envie, c'est-à-dire être sûr d'avoir la bonne histoire, d'avoir le bon fil directeur d'une histoire pendant 3 ans ou 4 ans. C'est vrai qu'avant de me lancer dans un film, il faut que je sois un peu sûr que c'est une idée qui va me tenir jusqu'au bout, quoi. Donc faut déjà qu'elle... Alors, quand je fais un film, je pense au suivant un petit peu comme ça, donc je laisse venir les idées. Et puis, il y en a qui s'éliminent, et puis il y en a qui s'accrochent comme ça. Et puis finalement, ça autour, on accroche des choses, autour de cette histoire, on accroche des choses. Et du coup, voilà, ça se... Et puis après, ça se fait par étapes. Bon, alors, il y a l'étape de l'idée sur laquelle on s'accroche, on finit par se crocher, puis on finit par se dire, ah bah oui, c'est celle-là, elle est bien, et je sens que je vais pouvoir, par exemple, c'est vrai, le conte de quartier, je me suis dit, oui, je sens que je vais pouvoir, sur la ville, j'ai suffisamment de choses à dire, ou j'ai suffisamment d'idées pour me nourrir avec ça assez longtemps, quoi. Et puis ensuite, il y a toute l'étape du scénario, du storyboard. Il y a un scénario complet. Et puis après, il y a l'étape de la fabrication. Le scénario... Pardon, un scénario complet ou un storyboard est plus complet? Non, c'est pas vraiment un scénario, c'est plutôt un storyboard, oui. Ouais. Donc, oui. Et tu arrives à tenir au storyboard? Est-ce que le film fini ressemble énormément au storyboard du début, où il y a plein de changements? Ça dépend des films. Les films comme Mamam, qui ne sont pas tenus par une histoire précise, ils finissent par... Enfin, il y a des choses qui ressemblent au storyboard, et puis je m'en éloigne, et puis j'y retourne. Enfin, c'est un peu plus libre. Mamam ou au premier dimanche d'août, c'est vrai que c'était pas exactement... Enfin, il y a des choses qui restent du storyboard, pas tout. Par contre, chez Razat, c'était entre les deux. C'est assez proche du storyboard, et puis en même temps... On avait trouvé des ellipses à certains moments, on a raccourci. Enfin, il y a un travail qui se fait au moment de la prise de vue. Et puis, souvent, je fais un pré-montage de façon à recaler un petit peu. Je suis assez libre puisque je travaille seule. Yes. Et puis, par contre, le dernier, Conte de quartier, l'histoire était assez précise et assez contraignante, en fait. Et du coup, là, je pense que c'est le film où je suis restée le plus proche du storyboard de départ. J'avais même fait un petit animatique, ce que d'habitude je ne fais pas. Sans animatique? Ouais, bah oui. En général, non, j'en fais pas, mais là, j'avais fait un petit animatique pour le début, en tout cas. Alors, ce que j'aime bien, j'arrive pas à le retrouver, j'aime bien, c'est quand tu racontes. Oui. Alors, donc, c'est toujours. Il y a une belle interview, hein, dans Bref, ils font de temps en temps d'assez jolies choses par rapport à l'animation, il n'y a pas beaucoup de magazines comme ça. C'était le Bref de. Du mois dernier, avec une grande interview, il y a ce moment, comment parvenu à maîtriser le temps du film? Vous fixez-vous une durée? Et donc, la réponse de Florent, je ferme les yeux avec un chronomètre en main et je calcule le temps nécessaire pour que l'action que je visualise mentalement se déroule séquence par séquence, plan par plan. J'imagine les mouvements de caméra, c'est un exercice difficile. En effet, je me doute que ça va être évident à lire, en tout cas, on dit, mais comment? Mais vous faites pas comme ça, vous? Si, je fais pas. Non, moi, je travaille beaucoup avec le son. Je m'aide beaucoup avec le son. Ouais. Parce que le travail revient. Je fais pareil, Jérôme. Mais par contre, je n'y arrive pas. J'essaye de faire, et je me trompe. Mais moi aussi, c'est extrêmement difficile, mais c'est l'idée de base. Ah si, j'y arrive, mais je me trompe des fois, c'est vrai. Des fois, je me dis, il va falloir 8 secondes pour faire ça, et en fait, il en faut 24. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a quelque chose d'assez étonnant, justement. Mais le son, ça aide. Ou alors, des fois, effectivement, on peut. Mais bon, même ça empêche pas de fermer les yeux. Rien que sur les pas, par exemple. Effectivement, moi, je sais que je m'aide énormément comme ça. Voilà. On peut mimer les actions aussi. C'est exactement ça. Ouais, ouais. Un oiseau, enfin une feuille qui passe, un oiseau qui vole, enfin. Et puis il y a des actions que je mime effectivement. Alors ce qui est très étonnant par rapport à ça, c'est que normalement quand même dans l'animation, c'est souvent le cas, on a le son et la musique avant, souvent, pour réussir. Et en fait, toujours dans la même interview, toi c'est le. Non, ça vient. Il n'y a pas de musique, ça vient après. Ouais. Oui, ça vient c'est après. C'est pas évident pour le rythme, pour le timing, un rythme d'une scène, c'est pas. C'est pour ça qu'on a besoin de bien se concentrer quand on ferme les yeux. Et tout. Quand on doit le trouver soi-même, son rythme, c'est pas si facile. Mais bon, après, il y a quand même du montage. Hein. Du coup, il y a un peu de montage parce que effectivement, on rattrape au montage des choses qui peuvent être un peu trop longues ou un peu. Et puis après, le musicien, il se met dans le rythme que moi, je me suis imaginé effectivement en fermant les yeux au début. Olivier, le cinéma, je trouve de Florence, c'est quelque chose d'assez particulier. En animation, on n'a pas tout le temps ça. On est très proche des personnages. C'est vraiment un cinéma très, très ciblé sur l'être humain. On les suit. En plus, un cinéma très, très sensuel aussi, évidemment. Est-ce que, pour toi, c'est... je demanderai à Florence, mais ça peut être dû à la peinture, justement. C'est les deux ou... Ouais, c'est un regard, moi, je dirais, avant tout. En fait, c'est à la fois... Il y a les deux. Hein. Il y a le... Il y a le contexte, en fait, hein, le bal, le hammam, la ville, ou des choses comme ça. Et en même temps, c'est vrai que les personnages sont très, très présents. Et souvent, il y a des focus comme ça sur des personnages. Souvent des personnages féminins qui sont souvent très beaux, d'ailleurs. Donc, ça fait partie de l'émotion. Et c'est vrai, la sensualité est là aussi. Donc, il y a même des moments où on va vers l'abstraction. Dans ces trois films, par exemple, c'est évident, quoi. Il y a des moments où on s'échappe complètement. La fin de Premier Dimanche d'août, la séquence des grues, par exemple, dans Comte de Quartier. Enfin, donc on passe d'un état à l'autre, parfois très intimiste, parfois plus sur un regard comme ça, sur quelque chose de beaucoup plus vaste. Mais justement, comment réussit-on à être... On parlera, c'est juste pour un peu voir. Et comment réussit-on à être aussi, en effet, pour être un peu dans l'abstraction, en effet, il y a ça, d'avoir des formes qui sont des fois un petit peu troubles. C'est pas un personnage pour... les gens imaginent, c'est pas du dessin animé. Donc, en effet, il n'y a pas les contours très sûrs, enfin très cloisonnés, etc. On est vraiment dans quelque chose. Et pourtant, on a en effet des personnages qui vivent. C'est pas toujours facile en animation d'avoir des vrais rapports avec des personnages, on va dire. Et c'est vrai que le volume, ou en tout cas ce qui va être la texture, importe énormément dans justement cette reconnaissance avec un... La texture est très importante. Hein. D'ailleurs, bon, un des traits caractéristiques des films de Flan, c'est la permanence du mouvement, hein, puisque comme elle redessine par-dessus, on a la trace du mouvement des personnages. Je ne sais pas si les gens comprennent ce que je dis là, mais il faudrait voir les films de Florence pour se rendre compte. Mais ils vont voir, c'est... Donc il y a un côté, c'est vrai, on a envie de toucher. En tout cas, le côté tactile est très important. Et c'est vrai que c'est un peu la seule technique qui permette ça. Alors, est-ce que c'était voulu ou est-ce que c'était pas voulu au départ, je ne sais pas. Mais quelque part, ça donne quelque chose de très spécifique qu'on n'a même pas en peinture, en fait. Hein. Les gens qui peignent sur du verre, il y a pas vraiment ça, quoi. Mais en fait, je pense que la peinture sur verre, c'est moins sensuel que le pastel. Mais c'est vrai que je parle de la sensualité de la matière elle-même. Et c'est vrai, je crois qu'il y a quelque chose qui... Enfin, de cette sensualité-là, bon, c'est vrai que quand je traite du hammam, je traite aussi de la sensualité dans le sujet lui-même. Mais par contre, je pense que dans la sensualité même de la matière, il y a quelque chose qui m'échappe, quoi, dont je ne suis pas... Peut-être que ça a à voir avec le plaisir que j'ai, moi, de peindre ou de travailler. Et que c'est ce plaisir-là qui passe aussi dans cette matière. Puis, je crois que par rapport à l'animation traditionnelle, il y a quelque chose de... Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas quelque chose... Il y a quelque chose de vivant parce qu'il y a quelque chose de pas totalement maîtrisé aussi ou de pas totalement... qui est très... Qui donne aussi une sensualité, je pense, aussi au... Et dans Comte de Quartier, il y a tous ces panneaux publicitaires. Un Comte de Quartier, c'est un peu différent parce qu'il a été fait avec une technique très... Alors, on va en parler, mais déjà, ces panneaux publicitaires, c'est quoi? C'est plutôt une critique? Oui, c'est plutôt une critique. Parce qu'ils sont beaux. Il y a moins de sensualité, justement. Là, d'un seul coup, on a l'impression de toute la sensualité qu'il y a dans d'autres films, même si c'est des fois, elle peut être un peu violent, comme au premier dimanche d'août. Enfin, il peut y avoir des choses un petit peu qui sont tendues. Mais là, d'un seul coup, on est dans la crudité de façon de parler. Mais en tout cas, on est dans quelque chose d'un peu plus dur au niveau de ces publicitaires qui représentent, en effet, des femmes souvent dans une position lascive pour vendre, en effet, ce qu'on fait aujourd'hui, absolument n'importe quoi. Il y a une petite critique, justement, d'une sensualité qui disparaît dans nos sociétés. Oui, ou qui est... C'est un peu difficile. C'est toujours difficile de parler du dernier film parce qu'il est trop présent, il est trop proche. Mais oui, c'est assez critique. En même temps, on se fait avoir par cette critique-là parce qu'en même temps, elles sont très belles, ces publicités. Donc, on est à la fois... Moi, je pense que les gens le sentent comme ça aussi quand ils regardent le film. Il y a quelque chose de choquant. Et puis tout d'un coup, c'était un peu cette volonté-là aussi que je voulais montrer dans le film, que ces publicités devenaient presque plus réelles que les personnages qui sont dans le film, qui sont censés être les vrais gens, et puis que ces publicités deviennent plus présentes que quoi. Oui, c'est l'accumulation qui fait qu'on les repère. En plus, au début, l'accumulation fait que... Ah, en effet. Et c'est toutes des publicités réelles que j'ai retravaillées à peine. Donc, il n'y a rien qui est inventé dedans, quoi. OK. Donc, on les a toutes vues. On ne fait pas forcément attention, mais on les a toutes vues. Alors, on va juste, pour finir, parler de la technique. Qu'est-ce qui change? Il y a l'ordinateur qui arrive dans... Ça va être intéressant, d'ailleurs, parce que par rapport à Franck, à utiliser aussi les auditeurs qui aussi entendu, on a déjà parlé de l'inventaire fantôme, utilise l'ordinateur après avoir travaillé sur marionnette. Enfin, toi, comment tu as travaillé cette fois-ci avec, donc, l'ordinateur est rentré pour la première fois. Enfin, on a vu donc qu'il y a eu le petit courant flash, mais c'est la première fois vraiment que tu utilises l'ordinateur pour faire de l'animation. Ouais. Y avait eu un plan au premier dimanche d'août qui avait été fait en image, enfin composité sur ordinateur. C'est des plans que j'aurais pas pu faire autrement, ou enfin pour au premier dimanche d'août, c'était un plan que j'aurais pas pu faire autrement, ou tellement difficilement que je pense que je me serais plantée et que je l'aurais pas fait. J'aurais trouvé une autre solution graphique pour le faire si j'avais dû le faire, parce que c'était et puis pour la ville, c'est un peu ce que je disais. J'ai une histoire, et puis après il y a une histoire qui appelle un peu une technique. Les deux choses se font un peu en même temps. Et la ville, j'avais vraiment envie que ça soit travaillé par couches, et que j'ai des couches de ville, justement. Donc il y avait la couche du chantier qui est omniprésent dans le film, parce que c'est un quartier entre construction et démolition. Il y avait la couche de tout ce qui se passe dans le chantier avec les machines, toutes ces machines qui bougent dans un chantier. Donc ça, c'était une première couche. Il y avait cette couche des publicités, qui était un peu une couche à part. Il y avait la couche des personnages anonymes, la couche des personnages qu'on va suivre dans le film. Et puis les voitures, et puis les décors, etc. Donc toutes ces couches-là, c'était évident que maintenant qu'on a la possibilité de les faire à part et puis de les recoller ensuite sur l'ordinateur, c'était ça l'idée. Mais donc toutes ces couches sont faites quand même toujours de la même technique, par en contre, fait. Voilà, pas toutes, mais la plupart des couches sont faites de façon très artisanale. Et en fait, ça a été très difficile, l'ordinateur, parce qu'il fallait allier à la fois le côté artisanal de l'animation directe sous la caméra avec la peinture, les traces dont parlait, que je voulais garder, les traces des passages des personnages et tout. Et en fait, c'est beaucoup plus difficile de garder des traces, de garder les saletés sur l'ordinateur. C'est vachement difficile de garder les saletés. Donc voilà, il y avait un travail qui était... L'ordinateur ne m'a pas simplifié le travail, parce que j'avais à la fois la difficulté du travail artisanal et la difficulté du travail sur l'ordinateur en essayant de garder justement les choses. Jérôme, toi qui es depuis longtemps dans les maçons de synthèse maintenant. Je suis pas surpris que ça ait été autant de travail. Justement, je le savais à l'avance, je ne m'étais pas fait d'illusion là-dessus. Et on va parler d'Éclosion tout à l'heure, qui est ton dernier, mais déjà depuis le puits. Cette recherche, on va dire, dans la synthèse, qui je trouve de plus en plus présent aujourd'hui, d'autres choses, c'est-à-dire d'une texture autre que la texture qu'on a l'habitude de connaître, malheureusement, souvent dans les longs métrages, qui est une reprise, souvent d'ailleurs, de presque du dessin animé traditionnel, enfin de la 2D. Là, d'un seul coup, cette volonté, comme il y a énormément dans tes films, évidemment, que des gens qui sont hors de la synthèse à la base se les réapproprient. Est-ce que tu penses que cette corrélation entre tout le monde, ça peut apporter à tout le monde, aussi bien la synthèse qu'aux autres? Bon, tous les mélanges sont intéressants, et puis le mélange, mieux c'est. Ce que Florence a décrit, c'est pas exactement, c'est pas de la synthèse. Mmh. Oui. C'est du travail traditionnel 2D aidé par de l'ordinateur. Recomposité. Mais l'ordinateur là ne sert que entre guillemets de béquille, puisque c'est encore plus compliqué. Il aide à faire quelque chose. Sur un travail d'image de synthèse, on est totalement dans un univers informatique. Il y a effectivement beaucoup de films qui ont été faits en image de synthèse, cette fois, avec une volonté de ressembler à de l'aquarelle, de ressembler à de la peinture, de ressembler à je ne sais quoi. Je suis quand même en général assez sceptique. Alors, il y a des belles choses, il y a des beaux films au niveau de l'histoire, il y a des recherches très intéressantes. Mais malgré tout, un film en pastel, je préfère quand il est vraiment en pastel. Mais est-ce qu'aujourd'hui, malheureusement, du fait des problèmes de production dont on a parlé, si on arrive à peut-être à mélanger les deux, ou en tout cas que l'ordinateur aide ou fasse avancer peut-être quelque chose un petit peu plus rapidement, est-ce que ce n'est pas un bienfait quand même? C'est totalement un bienfait quand ça aide à avancer, ou si ça peut permettre de travailler une maquette, si ça peut permettre de compositer des images plus compliquées, etc. Oui. C'est très intéressant, mais dans le processus de Florence, l'ordinateur est totalement transparent, c'est-à-dire que l'image finale n'a pas d'informatique. C'est-à-dire qu'il y a une informatique qui est venue travailler, un petit peu comme, je dirais, que l'ordinateur remplit le même rôle que pour que le traitement de texte pour un romancier. Un romancier va travailler sur un traitement de texte, mais en aucun cas, le traitement de texte n'est venu influencer sur son travail. En fait, dans une animation 2D traditionnelle, j'aurais pu faire, entre guillemets, la même chose, parce que ça aurait été assez compliqué. Mais c'est vrai que, a priori, j'aurais pu faire la même chose en mettant des couches différentes avec des verres et des choses comme ça. Comme une multiplane. Bon, ça aurait été difficile, mais La difficulté en image de synthèse, donc je parle vraiment de pure image de synthèse et une image de synthèse 3D qui essaye de retrouver d'autres techniques graphiques, c'est que l'image de synthèse, c'est jamais qu'une machine à dessiner en perspective, donc qui se place d'emblée dans un univers, de dessin de perspective cartésien avec point de fuite, etc. Et que précisément l'intérêt du travail dessiné, de la peinture, de l'aquarelle, du pastel, de toute l'histoire de l'art du XXe siècle, c'est de sortir de cet espace perspective qui est quand même un peu pompier. Alors, en image de synthèse, on va le travailler différemment, on va faire d'autres choses. Mais le mélange des deux bute souvent sur cet écueil-là, c'est-à-dire un trait, un graphisme, une matière qui voudrait s'affranchir de ça, mais qui, malgré tout, le subit parce que l'outil image de synthèse l'impose. On pourrait détailler plus, mais... Mais on va reparler un petit peu de l'image de synthèse. On va faire une petite coupure, hein, un petit peu de musique. Et donc, pour Nicolas, c'est la piste 11 qu'on va écouter. Merci beaucoup. Thank you. C'est toujours Bulle de Rêve, Radio Libertaire. Vous venez d'entendre John Zorn, un des grands musiciens new-yorkais de jazz, en fait, qui mélange beaucoup. Là, il y avait Fred Frith, notamment, Dave Lombardo. C'est un album qui s'appelle Zhu Feng, un hommage à sûrement l'une des plus belles actrices des arts martiaux qui existait, qui est toujours vivante. Et l'album s'appelle le morceau s'appelle The Touch of Zen, d'après donc l'un des films de King Wu, qui s'appelle The Touch of Zen, qui est aussi l'un des plus grands films qu'on ait jamais vu, et Raining the Mountain, qui sont deux films qui sont sortis chez Films sans frontières, et qui sont deux films absolument incroyable. Ouais, alors, je vais vous expliquer ce qui se passe. Alexis est perturbé. En fait, Alexis est tellement désagréable hors micro que Franck Dion est parti se calmer dehors. Et là, il revient un peu ulcéré. Mais non, bon, non, c'est que j'étais très gêné parce que je venais de citer aussi là où je travaillais aussi de temps à... Et donc, ça me gênait. Mais c'est Raining the Mountain et Touch of Zen sont des films absolument incroyables. Et donc, c'était John Zorn qui nous faisait plaisir avec Zhu Feng. Fais semblant de rien, vas-y. On a oublié quelque chose? Qu'est-ce qu'on a dit, Florence, à propos du de la fête de l'animation, mais qui déborde un petit peu, l'expo. Il y a une expo, et puis c'est l'occasion quand même de quelque chose qui est important. C'est un livre DVD. Qui est rare, hein, sur le travail de Florence. Et, oui, c'est quand même assez étonnant. Bah, c'est Florence qui va nous en parler mieux, parce que moi, je l'ai pas vu le livre. Donc... ça vient d'où cette l'initiative, elle vient d'Arte, qui avait. Producteur d'Arte. Mais qui est producteur en plus depuis le début, non? Ou pas complètement. Ils ont coproduit Histoire d'un prince. D'accord. Et après, oui, les autres, après, au premier dimanche, Contes de quartier, Les oiseaux blancs, Les oiseaux noirs. Et par contre, c'était pas avec eux, Hammam et Scheherazade, je crois. D'accord. Voilà. Enfin, ils ont été là il faut dire que c'est une des rares chaînes de télévision qui maintenant est pratiquement bon avec un peu, enfin pour le cinéma d'auteur un peu canal encore, mais qui défend encore le, enfin qui aide encore le, qui défend, parce que qui défend, il y en a d'autres, mais qui aide le cinéma d'animation et qui produit quoi. France Télévisions qui a très très bonne production, seulement c'est très très rare, c'est-à-dire que c'est en termes de court-métrage, une excellente politique, mais c'est vraiment en trop petite quantité. Quoi. Oui. Parce qu'ils ont très peu de moyens. Et très peu de moyens aussi par rapport à... Non, ils ont beaucoup plus de moyens qu'Arte. C'est vrai qu'on est produit par France Télévisions, c'est vraiment génial. Quoi. Ouais. Canal a plus de moyens qu'Arte aussi, en termes de production. Mais le problème, c'est que c'est Canal Plus. Ça existe toujours. Je crois qu'ils avaient spécialisé dans le football. Oui, c'est ça. Je ne pas dire ça, moi, mais bon. Ok, donc Franck Dion n'est pas produit par Canal le mois prochain. Bref, pour en revenir au livre. Oui. Arte Édition a eu l'idée de faire ce livre. Ils ont demandé à un autre éditeur, donc, parce qu'ils co-éditent en général les livres. Donc l'autre éditeur, c'est les éditions du Garde-Temps. Et voilà, donc il y a les 6 films que j'ai faits. Pas le film que j'ai fait pour Olot. Donc vraiment, là, strictement les 6 films que j'ai faits. Et puis c'est accompagné d'un choix d'images, enfin, soit des images qui restaient à la fin des films. Il y a très peu d'images, en fait, comme c'est travaillé directement sous la caméra. Il y a très peu d'images qui restent. Il y a certaines images, dernières images de plan qui restent. Donc il y a ces dessins-là dans le livre, plus... des dessins qui sont repris du film directement, plus quelques dessins de storyboard, de croquis qu'on fait avant, et, enfin, des choses comme ça. Quoi. Enfin, bon, okay. Merci. Il y a un petit portrait de Marie Desplechin aussi qu'elle a fait de moi. D'accord. Écrit quoi. Et donc ce livre sera vendu dans toutes les bonnes librairies. Pour l'instant, on peut le trouver chez l'éditeur aux éditions du Garde-Temps, et puis il sera en librairie officiellement. En mars, je crois. Mais d'accord. Si vous allez. Donc, l'édition des Garde-Temps. Si vous allez assister aux séances que présente Florence, vous pourrez acheter le livre DVD à ce moment-là. Et sinon, oui. Elle se fera un plaisir de vous le dédicacer. Oui. Olivier étant l'agent de Florence, des éditions du Garde-Temps se trouvant 106 rue Vieille du Temple, qui doit être dans le 3e, non? Et comme je suis. Ouais. C'est ça. Et comme je suis aussi l'agent de Jérôme, je peux vous dire que vous pouvez voir tous ces films et le rencontrer le 18 et le 19 octobre à Ivry-sur-Seine. Là, ça devient un tout petit peu nerveux parce que ça, c'est après. Ah bon ? Merci beaucoup. Je vais juste écouter un petit son. Et Olivier qui essaye absolument de prendre ma place, de reprendre sa place dans l'émission, n'y arrivera pas de toute façon. Il le sait bien. Et donc, on va écouter, on retourne sur le CD, on va écouter la suite. Écoutez Bulle de Rêve, l'émission spéciale cinéma d'animation, et on vient d'écouter, Jérôme déjà se précipite sur le micro, on vient d'écouter un extrait d'Éclosion, le dernier film de Jérôme Boulbès. Oui, Jérôme ? Et ben voilà, merci. Non, non, c'est un plaisir. J'ai tendance toujours à dire un peu des choses comme ça, je me lance au micro. Moi, c'est mon préféré de Jérôme. Je regarde Olivier, j'évite de regarder Jérôme à ce moment-là. Je me cache, je trouve que c'est l'un des plus... je sais pas, la narration est vraiment très forte. Et alors, juste pour donner une idée, c'est des cubes. Juste pour donner une idée, parce que vous allez pouvoir le voir, comme Olivier le disait, c'est des cubes qui se détachent comme ça, qui vont en cercle. Il y a quelque chose d'assez, de très fort. On l'a entendu là, dans l'extrait musical, au niveau du son. Il y a une volonté du son et une volonté aussi du. On a parlé depuis tout à l'heure de ce mot-là et j'arrive pas à trouver. De la matière qui est très forte, ces cubes qui se désagrègent petit à petit. Hein. Qu'est-ce que toi t'en penses, Olivier ? Je trouve que c'est très original et très impressionnant physiquement, on va dire. Je pense que c'est lié au travail sur la matière et au travail sur la bande-son qui est tout à fait étonnante. Donc c'est entre un film, c'est à la fois un film narratif, en même temps presque abstrait, puisqu'il s'agit de cubes. Donc c'est vrai qu'on a un peu de mal à s'identifier au personnage. Et pourtant, on est pris là-dedans et c'est vraiment étonnant. Pour moi, ça a été une vraie surprise. C'est vrai que c'est assez différent des deux premiers films de Jérôme. Et c'est vrai qu'on y rentre là-dedans. Des deux ? Au début, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il y en a plus que deux, non ? Deux. Il y en a trois ? Mais c'est assez différent quand même. Trois ! C'est vrai. Ok, donc, on va essayer de tuer deux. Non, non, mais c'est vrai que c'est un vrai changement. Il y a vraiment le... Ouais. Ça se passe dans les airs. C'est pas la première fois qu'il y a un film de Jérôme comme ça qui est très aérien. Vrai qu'il est très fort. Enfin, c'est très prenant. Et C'est vraiment très, très étonnant. Ouais. D'où est venue l'idée ? Je pense que l'idée de départ est venue d'un croquis, comme souvent dans mon travail, un croquis fait dans un carnet de notes ou sur des fiches. Car vous ne pouvez pas le voir, juste, je coupe, Jérôme, vous ne pouvez pas le voir, mais depuis le début, il griffonne son carnet de croquis qui est devant lui, enfin un carnet de plein de petites bestioles. J'assistais à une conférence à la SACD et j'ai décidé, c'est un petit cube, une série de petits cubes de pierre comme ça. Et puis, donc je me suis dit, tiens, il y a de quoi en faire un film. Voilà, mais à partir de ce croquis-là et de cette idée-là et de l'envie de faire un film jusqu'au moment où j'ai eu un scénario complet, il s'est bien passé 2 ans, 3 ans, beaucoup d'allers-retours. Enfin, le projet initial n'avait rien à voir avec ce qui est sorti à la fin. Voilà, d'où vient l'idée. Bien plus que ça. On peut vraiment dire, je pense, que Jérôme est l'un des... Pas l'un des premiers, je sais pas, mais vraiment quelqu'un, en France en tout cas, au niveau de la synthèse, qui pousse l'expérimentation au niveau de la technique assez loin, au niveau de ce qu'il peut faire avec la synthèse. On sent, quand on discute un peu avec lui, c'est vrai qu'on sent vraiment que c'est, comme on parlait avec Florence de la technique de Pastel, là on sent que vraiment c'est ça. On va en parler avec lui évidemment, mais je voudrais juste avoir ton point de vue là-dessus. On sent vraiment, par rapport à tout ce que tu connais dans l'animation, notamment française, on sent vraiment qu'il est, que c'est l'un de ceux qui pousse le plus loin. Oui, et en même temps, c'est pas, à la limite, c'est pas tellement son problème, la technique, quoi. C'est là, c'est, vraiment, c'est un outil chez lui. C'est-à-dire que Jérôme a un vrai univers, et bon, il utilise cet outil, donc c'est l'image de synthèse 3D, mais il pourrait utiliser autre chose, quoi, pour évoquer son univers. Et en même temps, il a une vraie réflexion sur cet outil, justement, c'est très intéressant. Franck, il m'a dit juste avant que. Non, parce que moi, j'ai vu que le puits, donc. Pour ne parler que du puits, en tout cas, c'est aussi, je te rejoins tout à fait, Olivier, là-dedans, c'est que dans ce film, le puits de Jérôme, il y a vraiment cette sensation qu'en fait, la technique n'est pas importante. Ce que moi, je reproche beaucoup, la synthèse d'une manière générale, c'est cette espèce de délire sur technologique, quoi. Et là, pas du tout. C'est, ce qui est important, c'est le propos, c'est la mise en scène. On est face à un vrai film, tout simplement. Ouais, alors... Et c'est très bien fait, bien évidemment, techniquement, mais on sent que ce qui est important avant toute chose, c'est le propos. Et après, on va laisser la parole à Jérôme, parce que c'est quand même lui. Mais juste, non, vous continuez, laissez-moi dire du bien comme ça. Non, juste quand même, en voyant les. Si on reprend vraiment. Je l'avais repris parce que je me suis dit la filmo de Jérôme sur le site d'Unifrance, d'ailleurs, faudra, je te dirai, mais on commence par Le Puy 99, La Mort de Thau en 2001, Raskan en 2003. Faudrait leur dire qu'en 2005, tu n'as pas sorti Nuages en long métrage. Ah bon ? Voilà, c'est juste pour te le dire, c'est. Ou alors je l'ai loupé. Voilà, c'est. Mais si t'as sorti un long métrage en 2005, c'est quand même. Il serait passé inaperçu, ce qui m'étonne quand même, on l'aurait tous vu. Malheureusement, il y en a. Oui, mais là, non. Et là, donc en 2006, éclosion, et je trouve qu'il y a justement. Je pense que si au bout d'un moment, on peut se défaire de la technique et en animation, c'est justement qu'on pousse loin la réflexion sur la technique qu'on utilise, qui fait qu'après on peut plus facilement justement ne plus y penser. Et pour moi, vraiment Jérôme est là-dedans, c'est vraiment quelqu'un qui va tellement, qui pousse tellement par rapport à la technique dans sa réflexion sur sa technique, que finalement en effet, nous en tant que spectateurs, on peut s'asseoir et ne plus du tout voir ce que lui a sué et a passé du temps à essayer de faire image par image. C'est ça qui m'impressionne, alors que justement, dans les deux derniers films que j'ai vus en long métrage, qui sont Cars et Nos voisins les hommes, où je suis sorti parce que je trouvais ça insupportable, où là, en effet, on sent vraiment qu'on veut nous en mettre plein la vue, qu'on veut nous montrer. Et il n'y a pas ça chez Jérôme après cette... Oui, puis avant que Jérôme ne parle, je vais rajouter une chose. Ces films-là, Cars par exemple, tout le monde trouve ça agréable ou parfois un peu agaçant et tout ça. Chez Jérôme, moi, j'ai souvent présenté les films de Jérôme au public. Et on a des réactions extrêmement opposées, on va dire. Il y a des gens qui rentrent complètement là-dedans, qui adorent ça, qui sont vraiment fascinés. Puis il y a des gens qui refusent complètement cet univers, ce qui prouve qu'il y a vraiment un univers fort, quoi. Et c'est très ça. Jérôme, t'es habillé pour l'hiver, Jérôme. J'ai bien fait de venir. Non, je... Comment dire ? Sur la technique en général, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que je crois qu'il est important de maîtriser la technique pour pouvoir s'en affranchir. Il y a quand même une limite. Sur certains de mes films, je trouve que j'étais un peu léger. Pas sur Éclosion. J'ai au contraire essayé d'être, d'être plus pointu. Il y a eu des films où j'ai un petit peu négligé la technique au profit de, d'une part de l'histoire et au profit surtout de la production. C'est-à-dire là, il y a cet aspect-là aussi, c'est qu'à un moment donné où il faut abandonner un peu la technique et la perfection pour pouvoir finir les films dans les temps et dans le budget, ce qui est extrêmement important pour moi. Mais je crois que j'ai été sur au moins un film, La mort de Tau, j'ai peut-être été un petit peu léger. Donc il y a une limite quand même. On peut s'affranchir de la technique, on peut l'oublier, on peut la cacher, etc. Mais il y a un moment quand même où un petit peu de perfectionnisme, ça compte. Et je, sur Éclosion, je suis assez content d'avoir été un peu plus pointilleux. Je crois que ça marche. Est-ce que d'avoir le même producteur qu'est l'Ardux et les mêmes personnes avec qui tu travailles tout le temps, on peut citer Alexandre Dubosc, on peut notamment, qui est vraiment un collaborateur depuis le début, qui travaille avec toi vraiment. Est-ce que ça, c'est important d'avoir toujours les mêmes personnes qui comprennent ton univers, justement? Alors, qui savent oui, c'est évidemment important. Le producteur, c'est important. Je suis très heureux d'avoir, malgré un nombre d'engueulades réglementaires... ne pas s'engueuler de temps en temps. Exactement. Le producteur, hein. mais ça va, ça marche très très bien avec eux et je suis vraiment très très content du travail qu'ils font. Avec l'équipe a un peu changé. Il y a Alexandre, entre autres, qui est venu travailler sur 3 des 4 films. C'est important de travailler souvent avec la même équipe. J'aime beaucoup ça parce qu'on retrouve des habitudes, on s'explique plus vite, etc. C'est aussi important d'en changer pour changer de tête, enfin d'horizon, de point de vue sur les choses, pour se remettre en cause. Parce qu'évidemment, quand on travaille tout le temps avec la même équipe, c'est forcément, on travaille tout le temps avec les gens avec qui on s'est bien entendu, avec qui ça se passe bien. Les gens avec qui ça se passe mal, on recommence pas. Et du coup, il peut y avoir comme ça, au bout d'un certain temps, un peu de routine, quoi, un peu de facilité. Sur Rascagne, j'ai beaucoup changé mon équipe. Et ouais, là, j'ai dû m'en suis un peu pris plein la gueule à certains niveaux. Et c'est tant mieux, c'est vraiment très très bien. Sur Éclosion, c'est un peu différent. Là, j'avais plus envie de travailler avec une équipe importante. Enfin, importante, on est sur le court-métrage, hein, donc c'est des équipes de 5-6 personnes. Donc on a vraiment travaillé, Alexandre et moi, tous les deux, tout seuls, dans notre coin. Il y a juste Christophe qui est venu pendant 3 semaines sur la production, enfin 3 semaines, 1 mois, pour nous aider sur des choses très très précises à un moment donné. Mais pour l'essentiel de la fabrication, on est vraiment restés tous les deux. Vous avez été deux pour faire Éclosion. Oui, enfin 2 plus Christophe qui est venu un petit peu sur des choses très très précises. Et ça a été vraiment une bouffée d'air frais pour moi. De revenir comme ça un petit de... Même pas d'y revenir, je ne l'avais jamais fait. Oui, d'accord. Ouais, c'est plus simple. Et de maîtriser mon film complètement, enfin, c'est vraiment, ouais, c'est assez important. Florence est d'accord, Florence est d'accord depuis tout à l'heure. Oui, c'est ça d'être plutôt une petite équipe de travail et de changer même. Moi, je change jamais, mais c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que de temps en temps, c'est bien, ça serait pas mal de changer parce que au bout d'un moment... Il y a des facilités qui... En fait, avec le temps, ce que j'ai découvert, ce qui m'a un peu étonné, parce qu'en plus, c'est vraiment pas mon caractère, ce que je préfère dans la réalisation de films, dans l'aventure d'un film, c'est quand même beaucoup l'aspect humain de la chose et l'aspect... quand les choses vont mal, quand les choses se passent bien, quand il y a des engueulades, quand... De devoir gérer ça, de devoir aussi gérer la production, de devoir gérer les fatigues des uns et des autres, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a étonné parce que c'est pas du tout mon caractère. Et c'est un aspect de la fabrication du film qui me plaît énormément. Et donc, on est là-dedans aussi. C'est travailler soit avec les mêmes personnes, dans des circonstances différentes, soit avec des personnes nouvelles. Enfin, ça, c'est... Moi, j'aime bien ça, oui. Alors, Olivier en parlait, il y a un travail dans l'éclosure sur le son, et on l'a entendu dans l'extrait là, qu'on a vu sur le son, sur la musique qui est son, le son qui est musique, enfin, il y a vraiment un mélange des deux qui est assez incroyable. Alors, par contre, sur la musique et le son, parce que je n'y connais rien, mais plus rien que ça, c'est pas possible, je travaille avec les mêmes personnes depuis le début, parce que là, j'ai besoin, comme je n'y connais vraiment rien, j'ai besoin d'être avec des gens de confiance, voilà. Et effectivement, je suis jaloux parce que sur Éclosion, on ne cesse pas de me dire le seul compliment que j'ai, en fait. C'est faux, on en a eu plein avant, là. Juste. Et en fait, grosso modo, on travaille en résumant et en exagérant un tout petit peu, mais pas beaucoup, je leur donne le scénario du film, je leur donne les images, et puis je leur donne quelques idées générales, et encore, pas sur les premiers films. Et puis ils reviennent trois semaines après avec, avec une bande-son toute faite. Enfin, j'exagère un petit peu, c'est pas exactement comme ça, mais je leur laisse énormément de liberté sur le travail du son parce que je ne sais pas quoi leur dire. Je n'ai pas de vocabulaire, je n'ai pas d'idée, je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc, je, voilà, ils viennent avec des propositions et je dis un peu j'aime, j'aime pas. Et puis voilà, on passe longtemps comme ça sur des j'aime, j'aime pas. Il me pousse dans mes retranchements pour essayer de comprendre ce que je veux dire par j'aime, j'aime pas. Au bout d'un moment, ils y arrivent parce qu'ils ont du talent. Mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que c'est vraiment Adam pour le son et Michel pour la musique, Adam Volny et Michel Korbe, qui me dirige moi. Et qui me dirige en me faisant dire ce que je veux, en me faisant des propositions, des contre-propositions, etc. Donc, c'est passionnant. Nous, on connaît les films, mais il faut absolument que vraiment vous alliez voir les films de Jérôme. Et Jérôme, il va être donc à Ivry, c'est ça, Olivier? Ouais, le 18 et le 19 octobre, ouais. En début d'après-midi, c'est ça? À 14h ou ouais. 14h15. Donc au cinéma Le Luxe à Ivry. Il sera à la SACD aussi, à la Maison des Auteurs. Avec Le Puy, à la Maison des Auteurs. Ouais. Tu seras présent? Oui, je serai là. Au Luxi, à Ivry, il y a tous les films, ouais. Et je serai présent. Alors, c'est moins souvent que Florence, mais je suis très content de l'occasion. Il y a beaucoup de classes. Dans quelques années, il te reste encore 3-4 films à faire quand on a une heure de... C'est avec des classes et des centres aérés, donc je suis à la fois très angoissé, très content. Je suis aussi très adorer. Heureux parce que Luxi, c'est ma ville natale. Enfin, pas natale, je suis né à Casablanca, mais j'ai grandi à Ivry, donc je suis vraiment très très content de retourner là-bas. Et Éclosion sera diffusée, alors c'est un petit peu en dehors de la fête du cinéma d'animation, mais c'est dedans quand même, à Beaubourg, je ne sais plus à quelle date exactement, il y a un samedi et un dimanche de Rest Film. Rest Film, c'est un festival californien, je crois, qui est dans la logique de Nemo qu'on a à Paris ou de la compétition laboratoire de Clermont-Ferrand. Et donc le dimanche, ils ont une programmation de films français et je serai là-dedans. En tout cas, vous avez compris déjà que Florence, évidemment, il fallait voir tous ces films. C'était important, pas pour rien qu'on ait invité d'honneur. Hein. Mais c'est vrai que les films de Jérôme sont vraiment aussi très étonnants dans un style complètement différent. C'est pour ça que c'est bien de les avoir même tous les deux ici, parce que vraiment, il y a vraiment une énorme recherche. Et ça, c'est aussi ça, là. C'est un peu une banalité, mais c'est vrai que c'est aussi ça la force du cinéma d'animation. C'est pour ça que la fête est importante, c'est de montrer absolument à quel point tous ces... C'est une banalité pour nous, mais pas pour tous. Oui. Pour nous qui... C'est vrai, qui voyons, qui connaissons. Qui voyons, c'est qui vrai. Connaissons, mais c'est pas de dire que les films sont très, très différents et que dans des genres très différents, il y a des trucs formidables. C'est faut le dire et le répéter, parce qu'il y a peu de gens qui le savent. C'est vrai. On va faire une petite... pause. Mais en fait, on ne va pas vraiment faire une pause. On va écouter quelque chose qui est maintenant devenu évidemment très célèbre. On va écouter « J'espère que c'est bon », le son qui est juste après sur le CD. On écoute. Papa ? Papa ? Mais je vous l'ai déjà dit, monsieur, je collectionne les souvenirs dont plus personne ne veut. Tout à l'heure, j'en reviens et j'emporte tout! Tango, tango, te quiero mucho. vida a la muerte. Un poste radio récalcitrant. Un miroir à faire peur. Un enfant qui s'allume et qui s'éteint. Une armoire qui claque. Le portrait de papa. Papa ? Le portrait de papa. Une brousse d'âme qui tourne. Un cœur d'artichaut dans son écran. Un système solaire en acier brossé. Un éléphant de mer en porcelaine de Sèvres. Un éléphant de mer en porcelaine de Sèvres. Un système solaire en acier brossé. Un cœur d'artichaut dans son écran. Une grosse dame qui tourne. Tango, tango. Le portrait de papa. Une armoire qui claque. Un enfant qui s'allume et qui s'éteint. Un miroir à faire peur. Un poste radio récalcitrant. A la vida, a la muerte. Oh, tango, tango. Oh, te quiero mucho. A la vida, a la muerte. Te quiero para siempre. Tango, tango. Te quiero mucho. Mi amor. A la vida, a la muerte. Para siempre. Tango, I love you. Ces petites bruits, vous êtes toujours sur Bulle de Rêve, vous écoutez Bulle de Rêve, donc l'émission spéciale cinéma-animation, consacrée au cinéma-animation. On vient d'écouter le célèbre tango de ce long générique de l'inventaire fantôme, devenu célèbre dans le monde de l'animation. Salaud. Et plus intéressant, qu'est-ce qu'on a entendu juste après, les petits 25 Et secondes ben, c'est un extrait d'un extrait de l'animatique de Monsieur Coq, voilà, qui est mon prochain film sur lequel je travaille actuellement. Et c'est intéressant parce qu'on parlait de compositeur, c'est encore Pierre qui a fait la musique. Hein, Comme Jérôme, c'est important de travailler avec quelqu'un qui comprend un univers, qui comprend... Ah, c'est déterminant, c'est déterminant. Moi, je sais que Pierre, il me... c'est plus qu'un accompagnement, c'est carrément de l'inspiration. C'est-à-dire que je sais que sur certaines de ses musiques, moi, ça me donne des idées de mise en scène. Et il y a une alimentation comme ça mutuelle qui est vraiment passionnante, quoi. Et c'est vrai que... Pierre, c'est devenu en plus un pote. J'imagine pas un film. Alors peut-être qu'un jour, je ferai un film sans musique. Pourquoi pas? Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment c'est un travail très, très passionnant. Ouais. Olivier, Franck, ça a été un peu une surprise, non? Quand il est arrivé avec l'inventeur fantôme, il n'avait jamais fait d'animation. Ah ouais, personne ne le connaissait, ouais. Il ne sortait pas d'une école d'animation, tout ça. Il avait fait un film qui était super produit, en plus de ça. C'est vrai que c'était impressionnant. C'était un film très, très fini, très maîtrisé et tout ça. On était tout à fait... On connaissait pas, mais c'est qui faisant. Ah, on pensait que c'était peut-être un pseudo. Mais à chaque festival, quand on reçoit des films là, pour le festival d'Auch, régulièrement, on a des films comme ça de gens qu'on connaît absolument pas. Alors, des fois, c'est des trucs qui sont pas terribles, mais des fois, on a vraiment des surprises tout à fait étonnantes, quoi. D'ailleurs, il était en compétition à Auch. Il était en panorama. C'est pas de ma faute, hein. C'est pas moi. Non, je sais. Ah, c'est le comité de sélection. Vous avez tous les deux fait partie du comité de sélection. Vous n'allez pas commencer. Franck est là, non seulement parce qu'en effet il y a Monsieur Coq. Juste deux mots sur Monsieur Coq, on y reviendra, j'espère. Il est pas encore au courant, mais j'aimerais bien qu'on suive un petit peu l'élaboration dans Bulle de Rêve de Monsieur Coq, peut-être tous les mois, tous les deux mois, qu'on voit un petit peu comment se fait son film et comment évolue un film d'animation. C'est intéressant, on en parlera un petit peu après. Pour l'instant, juste deux mots sur Monsieur Coq, l'histoire. L'histoire du film ? Oui. Ça raconte quoi ? Moi, je le sais, mais... C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Monsieur Coq, qui est chef d'entreprise d'une multinationale qui construit des obus. qui est un fou du rendement et qui se met à virer tous ses ouvriers, il les remplace par des automates. Sauf qu'il y a l'un de ces ouvriers-là qui n'est pas d'accord, alors que tous les autres sont complètement dans une affliction totale et éteints. Il y en a un qui est très très énervé. Et voilà. C'est, Le premier, l'inventaire, était déjà assez... Je sais que tu l'as voulu comme un film drôle, mais tu es quand même un peu cynique par rapport à une certaine société, à savoir c'est les gens qui en plus refoulent certains de leurs souvenirs et les mettent. On n'est pas forcément... Il était plus introspectif. En tout cas, voilà. Alors que là, on est carrément dans quelque chose de très engagé. Oui. Pourquoi d'un seul coup la volonté de s'engager Parce que j'écoute la radio tous les jours, je lis les journaux tous les matins, j'allume la télé, voilà. Donc c'est suffisant pour me mettre la haine, comme on dit. Donc comme ça, et d'un seul coup, la volonté de vraiment vouloir dire ce qu'on pense. Puis aussi d'en rire, ça reste du dessin animé, comme diraient les gens qui ne savent pas trop ce qu'on fait. Donc ça permet de balancer des choses très très dures, très très violentes, sans être pour autant, du moins je l'espère, pour coq vulgaire, mais néanmoins... un petit peu violent, quoi. C'est un propos social assez, assez violent. Mais ça reste qu'un dessin animé, hein. Attention, on fait du dessin animé. Tu rentres en prod quand ? Ça y est. Bah là, j'ai le bonheur de travailler sur la mise en scène. Enfin, moi, j'appelle ça la mise en scène, mais c'est le storyboard, en fait. Sur le storyboard et l'animatique. Donc, je nage dans le bonheur, je fais un film. Olivier, c'est le plus agréable à faire. Pourquoi Franck est là ? À part le fait qu'on a, c'est toujours un plaisir de recevoir. Parce que c'est ton pote. Ok, donc t'es en train de me dire que tu l'as pas invité pour faire partie d'une table ronde. Non. Bon. Non. Ok, donc Franck, tu n'es pas invité en fait à la table ronde. C'est bizarre. J'ai vu ton nom. Non. C'est alors quoi cette table ronde, parce qu'elle est intéressante. Cette table ronde dans le cadre de l'exposition, il était une fois Walt Disney. Donc l'idée de la personne qui s'occupait d'organiser des tables rondes et une programmation un peu parallèle à Disney, c'était de faire un éclairage sur l'animation française aujourd'hui, justement en parlant plutôt des gens qui font du court-métrage, d'auteurs, etc. Donc on a fait un choix ensemble de films qui nous semblaient intéressants et puis qui montraient un peu différents univers. Et donc au bout du compte, il reste 4 films, donc le film de Franck, L'inventaire fantôme, La Révolution des Crabes d'Arthur de Pince, Bonsoir Monsieur Chu de François Leroy et Stéphanie Lansac. Et le quatrième, c'est La Sacoche Perdue de Jean-Luc Gréco et... C'est marrant, alors c'est extraordinaire, ça fait que j'oublie son nom. Et ben voilà. Vas-y, continue. Et ben voilà, voilà. Bon, ça m'échappe, elle m'échappe. C'est un peu la honte. Ah, c'est terrible. Bon, enfin bref, c'est Jean-Luc qui viendra en tout cas. Ah, c'est ça, tu lui en veux de pas venir, donc finalement. Oui, Catherine, non. J'arrive pas à te rendre le nom, Catherine Buffa. Catherine Buffa, voilà. Je sais que t'es Buffa, mais je me rappelle plus de son prénom. Bon, bref, donc Franck Dion, Arthur de Pince, Jean-Luc Gréco et le producteur de Bonsoir Monsieur Chu, Marc Jousset de Je suis bien content, seront présents là et ils vont faire un peu partager leur expérience sur qu'est-ce que c'est que faire des courts-métrages d'animation, qu'est-ce que c'est même comme métier, qu'est-ce que ça représente comme investissement, qu'est-ce qu'on peut espérer, des tas de choses comme ça. Qu'est-ce que c'est que faire un film en marionnette ou sur son ordinateur à la maison comme Arthur de Pince, et c'est des réalités qui sont très différentes. C'est aussi pour ça que le choix est intéressant. Les conditions de production sont très différentes. Et voilà, c'est ce qu'on va évoquer. Qu'est-ce que c'est que la vie d'un réalisateur de court-métrage en France aujourd'hui. Et ça permettra de faire un petit aperçu, à mon avis, de ce que c'est que ce métier-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Moi, j'avais noté quelques petites choses. On va faire un petit tour de France. J'ai vu donc Mes Vrais sur scène, on vient d'en parler. Regard sur l'animation. À noter que, Florence, tu seras aussi au Luxi, non ? Oui. Hein, c'est ça, elle sera le 31 au Luxi à Ivry-sur-Seine. Voilà, Ivry-sur-Seine. Il y a des ateliers de pratique d'animation, donc il y a plein de choses qui se passent au Luxi. Toujours un peu la même chose, hein, la fête du cinéma. On retrouve les longs métrages qui sont sortis dans l'année. On retrouve, par exemple, beaucoup d'hommages au cinéma japonais. Maintenant qu'on a enfin découvert Miyazaki et Takahata, on va pas plus loin. J'étais voir le dernier film de Kon Satoshi, la Paprika, qui sort le 6 décembre. Je pense que ceux d'avant ne sont même pas sortis et qui sont passés nulle part. Mais bon, ne nous plaignons pas, c'est déjà bien que. Ayant découvert ça, on les passe un petit peu. Il y a petite histoire du cinéma d'animation, le tour du monde animé, toujours à la médiathèque Tivry, c'est quoi ? Oui, c'est plusieurs programmes qui fait un peu, je sais plus combien, il y en a 4 je crois, ou 6, je sais plus. En tout cas, oui, il y en a tous les jours. Voilà, et c'est, des programmes de courts-métrages, et ça fait un peu une rétrospective historique de l'animation. Et formidable, les gens qui habitent à Ivry-sur-Seine, ils sont gâtés. Entre le Luxi et la médiathèque, ils ont quoi à remplir la fête. Et alors, pas très loin, parce que Vitry, c'est quand même pas très loin, il y a le musée d'art. Le 1 qui fait le... La planète Papé, qui est un hommage à Julien Papé, aussi bien dans sa production que dans ses réalisations. Ouais, Julien Papé, c'est quand même un personnage tout à fait étonnant, ça, à la fois en tant qu'artiste, en tant que producteur, en tant qu'inventeur. Et bah, l'idée de cette programmation sur 3 jours, c'est de saisir un peu tous ces aspects-là. Et un travail formidable, il y aura une rencontre aussi, on va montrer des films qu'il a produits, on va même montrer un film que moi personnellement j'ai jamais vu et qui est quand même très rare, c'est Ubu de Yann Lenitsa. Ça, et ça c'est une grande soir. Joie de, ah, oui, de oui, découvrir oui. ça. Et vraiment un personnage à découvrir d'ailleurs qui sera aussi mis à l'honneur au Select à Antony dans les Hauts-de-Seine. Donc, coup de c'est producteur Julien Papé, bah oui, qui est décédé donc, cette année ou l'année dernière. Qui est décédé l'année dernière. L'année dernière. Ouais. Donc, un petit coup de chapeau aussi, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des gens qui sont un peu activistes. J'appelle ça plus des activistes que des journalistes, des fois, tellement c'est difficile. C'est Jean-Christophe Perrier, qui fait du super bon boulot, et Rouville Saint-Clair. Je ne sais pas ce qu'il y avait été. Florence, non, jamais, là-bas. En Basse-Normandie. Rencontre Anima. Non. Il me semblait avoir vu. Non. Bon, alors, peut-être que c'est moi qui. Peut-être. Au bout d'un moment, quand on fait. Voilà, quand on est trop connu et qu'on fait plein de choses. En tout cas, il fait un super bon boulot qui amène plein de monde là-bas et qui va évidemment être présent pendant cette. Qui était journaliste à Animeland à une époque. Voilà, et qui coordonne la fête sur la région Basse-Normandie. Voilà, avant qu'Animeland se transforme en pas grand-chose. Et donc. De temps à autre, il faut dire certaines choses. Et donc, il va présenter plein de choses, dont ce documentaire Magia Russica, que je n'avais pas réussi à voir à Annecy, qui présente l'histoire du cinéma d'animation russe. Magnifique documentaire. Magnifique. On y voit tous les grands de l'animation russe. Qui est quand même une des écoles les plus importantes au niveau de l'animation. Alors, j'ai vu quoi à Saint-Élo et ailleurs en Bretagne, jeunes talents bretons et animation de particules naturelles. Ah oui, ça, alors ça, moi aussi, ça m'intrigue. Je ne pas être là-bas, mais. Au musée du lin, on a. Premier film et film de fin d'études d'auteurs bretons produits en Bretagne ou ayant pour sujet un aspect de la culture bretonne réalisé entre 2003 et 2006. Donc, il faut y aller. Musée du Lin, place de la mairie à Saint-Élo, et c'est aussi un peu partout en Bretagne. Un autre truc drôle en Bretagne, les Bretons sont vraiment, enfin tout ce qui est Bretagne, Normandie, etc., il y a des choses vraiment étonnantes. Le drive-in fait du cinéma d'animation. Ah ouais, alors ça c'est la spécialité de l'association L'Arrosoir Émile. C'est drôle. Qui coordonne la fête en Bretagne, et ils font des drive-in animation. Et ce qui est incroyable, parce que c'est pas mal, c'est quoi, l'installation proposée justement, c'est... En fait, les spectateurs sont assis dans leur voiture face à l'écran pour l'image et l'autoradio est allumé pour le son. Donc, on a le son par son autoradio. Alors bon, quand on a passé beaucoup de temps pour la bande-son, on doit se dire « Ils vont me foutre en l'air la bande-son !» Ça dépend. Mais ça peut être assez. Son, ah, voilà, c'est ça. À mon avis, on l'a vu dans les soi-disant bons cinémas où les sons, la bande-son n'est pas forcément bien passée. Je trouve ça très drôle. Et donc... Et en direct sur les ondes, outre les bandes-son des films, des invités par le rond d'animation, les réalisateurs et réalisatrices, évidemment Florence Mial, c'est pas invité d'honneur pour rien. Et après, tous les autres sont sous réserve. Abby Feijoo, Regina Pessoa, non, Emmanuel Gorgia, Fabien Drouet, enfin pas mal. C'est étonnant, c'est plutôt sympa. À noter en Bretagne, l'avant-première d'un moyen métrage, enfin d'un film de 30 minutes d'Emmanuel Gorgia, une adaptation du Cid en marionnette. Qui est passé sur Arte. Qui est passé sur Arte, tout à fait. Qui est un film tout à fait étonnant. Tout à fait. Regard sur les techniques à Nîmes. C'est pas mal aussi, le jeudi 26. Avec Florence, la médiathèque Carré d'Art. Et puis après, le samedi 28, un très beau programme qu'on connaît, mais enfin sur l'animation d'ombre chinoise et l'animation d'objets, avec notamment, diffusion en 14 ans, de l'art de l'ombre chinoise chez Lothair Renninger, qui est un documentaire de John Isaac. Je ne connais pas. Moi non plus, je ne connais pas. Voilà, suivi de Carmen, La Cigale et la Fourmi et La Belle au Bois dormant. Diffusion de Prince et Princesse. Présentation du documentaire assez intéressant, Les Chimères de Schwenkmeyer, où on voit Eva et Jan Schwenkmeyer nous parler de leur travail sur l'avant-dernier film, pas sur Nounassi, pas sur le dernier, mais sur celui d'avant, qui est distribué par Chalet Film aussi en DVD. Et puis Alice de Schwenkmeyer, son premier long métrage absolument étonnant, c'est Anime. Voilà, moi c'est à peu près un peu tout ce que j'ai noté. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose, hein, quelque chose d'autre qu'il faut absolument aller voir avant qu'on écoute notre dernier son? Bah, aller voir la nuit d'animation à Lille aussi, c'est un must. Hein. C'est vrai, hein, j'oubliais. Tout à fait, tout à avec fait, toujours plein d'avant-premières, des cours. Il y a des petits estaminets qui sont pas mal, non, c'est ça, Franck? Les petits estaminets, ils sont très très bien à Lille. Non, okay, mais il y a notamment Recto Verso. Alors justement, voilà, là, il est incroyable, il pourrait faire de la radio. Il me fait mes enchaînements, ce type est incroyable. On va passer. Juste. Jérôme, parce qu'on va juste dire les deux sites. Il y a deux sites. Jérôme, t'as un site. Juste que les gens, si les gens veulent voir un petit peu ce que ça donne, j'ai regardé Florence, t'as pas de site. Rascagnes.com. Donc RASCAGNES.com. Voilà. Devant. Oui, avec les trois. Oui, oui. Donc Rascagnes et Franck, le blog de. Enfin. Ah, il y a monsieurcoq.com. Alors, Monsieur Coq. Où il y a le blog, en fait. On arrive sur monsieurcoq.com et on peut accéder au blog. Donc, c'est M-R-C-O-K ou Monsieur tout Monsieur tout attaché. Monsieur Coq, C-O-K. .com. Et là, on accède au blog où on suit avec. Avec attention, la super production. En fait, bon, il y a un ton un peu décalé, un peu drôle. Oui, c'est ça, c'est drôle. Et ça, de cirage de pompe sur ce Monsieur Coq. Et on va finir, évidemment, par Olivier qui reprend, ouais. Et on va surtout dire... Je voudrais rajouter un truc quand même, parce que juste à côté de chez moi, je suis pour quelque chose, il y a Philippe Julien qui vient à la médiathèque d'Evry, et il va parler de l'animation de marionnettes, il va y avoir une très belle expo, il va montrer ses films, il va expliquer comment il fait, tout ça. Il explique très bien en plus. Ouais. Je l'ai souvent vu expliquer, ouais. Il est vraiment très à ce niveau-là, c'est celui qui, donc Philippe Julien a fait son premier cours, c'est le Disciple de la mer. Voilà, c'est ça, il a fait Sans autres terriens, Ruzeben, Tadeus. C'est incroyable, une grosse production, Ruzeben, qui est vraiment un gros truc. Ouais. Et donc, c'est très intéressant. Puis, on va surtout finir par donnant plus d'informations, si les gens pour avoir tout le programme, plus de choses. Le nouveau. On n'aura pas eu le temps, je suis désolé. Ça va décevoir beaucoup de gens. On finit dans 5 minutes. Je vous promets qu'on fera cette émission sur l'AFCA. Peut-être dès le mois prochain. Parce que c'est important. On n'a pas le temps d'en parler, mais par contre, on peut quand même juste te rappeler. C'est très important que tout ce dont on vient de parler, là, la fête du cinéma d'animation, avec énormément de projections, etc., ça sort du travail de l'AFCA. Ça ne vient pas tout seul, de nulle part. C'est beaucoup le travail des différents exploitants de salles, des différents, etc. Mais tout ça est coordonné par l'AFCA, et en particulier par Olivier qui est là. Et c'est énormément de travail. Alors, voilà. Je suis vraiment désolé. C'est vrai qu'on n'aura pas eu le temps. Ce n'est pas tous les jours qu'on a Florence Miaï, c'est vrai, ici. Donc, ça nous a permis de parler beaucoup de son travail. C'est plutôt passionnant. C'est bien aussi d'avoir Jérôme et Franck. Olivier, tu nous as parlé. C'est vrai que je... Promis, on reparlera parce que il y a plein de problèmes, notamment budgétaires, parce que on est dans des périodes où les associations, quelles qu'elles soient, on leur donne de moins en moins d'argent et c'est de plus en plus difficile pour elles. Et on est dans une période où l'animation, on en parle quasiment tout le temps, souvent plus de manière un petit peu désordonnée. Les Cahiers du cinéma qui n'avaient, mais c'est plutôt bien, mais qui n'avaient jamais parlé d'animation quasiment, font 5 pages sur le cinéma d'animation japonais. Je peux vous dire. Elle est décédée cette semaine, donc je vais pas. C'était des grands monsieur, mais les questions qui sont posées à Gorō Miyazaki sont beaucoup moins fortes, qui est donc le fils de Miyazaki, sont beaucoup plus ou moins intéressantes que les questions qui sont posées au Straub et Huillet. Daniel Huillet nous a quittés cette semaine, c'était une grande dame du cinéma français, mais on sent une différence par rapport encore à l'animation quand c'est des personnes vraiment connues, qu'on sait, on connaît leur cinéma, on va vraiment très loin dans ce qu'ils font. Sinon, on reste un petit peu dans la facilité quand c'est l'animation, et notamment j'aurais voulu le dire ici, mais le petit topo qu'il y a au début est un peu terrible, où on parle de l'animation, mais on dit bien attention, ce film, ça rejoint, les Miyazaki rejoignent un petit peu ce que dans Paris, ou d'autres films comme ça, où les Chauvelets peuvent parler de ce dont peuvent parler. Je suis peut-être un peu. Peut-être un petit peu là, décousu, mais c'est pour vous dire que c'est vrai que l'AFCA fait suffisamment du très très bon travail pour vraiment. Qu'on en parle et qu'on explique un petit peu tout le travail qui a été fait et tous les problèmes qu'il peut y avoir maintenant. On finit sur le coup de cœur. Le coup de cœur, absolument incroyable. C'est sûrement l'un des meilleurs cours qu'a pu avoir cette année. Et je le dis vraiment sincèrement avec celui de Florence et celui de Jérôme. C'est un petit cours qui n'a rien à voir, qui vient des films du Nord. Donc la maison de production d'Arnaud Desmoins, c'est un type qui a un talent énorme. qui s'appelle Gabriel Jaquel. C'est en noir et blanc, c'est un petit bonhomme, c'est un petit diable et un dieu. C'est drôle, intelligent, graphiquement, c'est super drôle. Je vous promets qu'on en reparlera. Je vous promets qu'on fera. J'interviewerai Gabriel. Ils sont à Lille, donc il pourra pas forcément venir, mais je l'aurai à un moment donné parce que c'est vraiment un coup de cœur. Et on va écouter une partie de la bande son. Ça sera notre générique final avant de passer la parole à d'autres. Et on se retrouve d'ici un mois pour un nouveau Bulle de rêve. Merci beaucoup à tout le monde et surtout à la Fête du cinéma animation et www.afka.asso.fr sur le nouveau très beau site de l'AFCA. Merci beaucoup. On écoute Recto Verso avant de passer à l'émission d'après. Merci Nicolas. C'est donc pas la prochaine, ça doit être la dernière. Mm-hmm.